cours de néerlandais à l'école. T'aimes pas ou quoi? En fait, c'est pas que j'aime pas, mais que c'est soporifique et elle nous donne des devoirs surprises. C'est soporifique. J'adore, voilà. C'est soporifique. Comment tu dis soporifique en néerlandais dans l'école? Moi, je ne savais même pas ce que ça veut dire soporifique. C'est t'endort? Bah oui, ça t'endort. Non, je sais, mais à cet âge-là, je ne sais pas ce mot soporifique. Bon, Aris, 11 ans, quelle est la lettre que tu as faite au Père Noël? Quelles sont tes demandes? On va voir si c'est réalisable ou pas. Bah, j'aimerais bien que le Père Noël, s'il veut vraiment me faire plaisir, s'enlever les cours de néerlandais à l'école, parce que vraiment, je me suis endormie une fois. C'est magique. J'ai cru qu'il allait sortir un cadeau de malade. Mais oui. Ouais, non, il veut juste plus de néerlandais, lui. C'est magique. Ah, bah écoute, Aris, ça, je sais pas si Père Noël peut faire ce genre de choses, mais bon, on verra avec lui. Pardon? Et alors, qu'est-ce que tu dois dire? Qu'est-ce que maman t'a dit que tu dois dire? Je voulais passer une dédicace. Ah, ben vas-y, Aris. Je passe une dédicace à ma prof de. Mon prof de mathématiques et à ma meilleure amie Flora. Ah, oh, d'accord. Et pas à ta prof de néerlandais. Bisous à toi, Maurice. Belle journée. Bisous. À bientôt, Maurice. On finit avec Lina, cette petite Zine ce matin. Lina qui a 11 ans. Bonjour, Lina. Bonjour. Lina, toi, je sais pas pourquoi, je sens que tu nous as fait une lettre au Père Noël du top pépite. Du top. Pépitas. Oui. Tu l'as avec toi? Oui. Non. Tu peux nous la lire ou pas? C'est, oui. Oh ouais, vas-y. Allez, lis-nous la lettre au Père Noël. Pour Père Noël. Père Noël, cette année, j'ai été très méchante, j'ai eu des mauvais points dans mon bulletin et je frappais mes camarades. Ah non, pardon, ça c'était mon frère. Moi, en revanche, j'ai été sage et j'ai eu plein de bons points. Pour cette année, j'aimerais avoir de l'argent pour mettre dans les choses que j'aime, un iPad ou un iPod. Mais mon plus grand rêve, c'était de passer sur énergie. Mais maintenant que j'y suis, je me dois de vous dire merci Père Noël et merci Tiffany. Oh, c'est trop chou. Va comme elle a clashé son frère. Ouais, j'avoue, c'était magique. Oh, et c'est super chou ce que tu viens de nous lire là, vraiment. Merci Lina, ça nous touche. Lina? Lina? Oui. Ah ben, merci Lina. Merci Lina. Au revoir. Bah oui. On te fait des gros bisous Lina. Et je t'inquiète pas, vu comment tu es très gentille et trop chou. Oh, le Père Noël, il va passer. Il va passer. Je vais même lui dire double ration pour Lina. Tu vois les cadeaux que tu devais offrir à son frère? Offre-les à Lina. Oui. En version fille de préférence. Oui, c'est ça, oui. On te fait des gros bisous Lina. Bah, il aurait une tête à coiffer. Ils sont géniaux les petits. J'adore, je suis fan. On t'embrasse fort Lina. Belle journée et de joyeuses fêtes Lina. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y. Je fais une dédicace à ma mamie et à mon frère et à tous mes amis de ma classe. Eh ben voilà, le message est passé Lina. On te fait des gros bisous ma chérie. Bisous. J'adore la Kids Line, c'est tous les mercredis 7h35 sur Energy. Vous avez vos petits bouts à côté de vous, vous avez envie qu'ils passent à la radio, et ben c'est simple, appelez Tiffany 0800 23 456. À chaque fois on choisit un petit sujet sympa, voilà, comme ça vous pouvez parler avec nous. En plus c'est gratuit. Et c'est gratuit, 0€ les gars, on peut pas faire mieux, vraiment. Ouais. 0800 23 456. Ou alors vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, c'est les fifous du 6-9 sur Energy. C'est un moment que j'adore la Kids Line, vraiment. Ouais, c'est génial. Ah ouais, chaque fan. Mercredi qui passe, c'est une envie un peu plus d'avoir un enfant. Ah ma chérie, clin d'œil. Et comme dirait le roi Lion, c'est l'histoire de la vie ma chérie. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur energie.be. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cash, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours redette comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde, je suis au fond de la carabin IP. Ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux têche la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz, recueille-toi et laisse-moi faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Et rien qu'elles se perdent, et même t'as tes du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance. C'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance. devient plus fort, je suis toujours le même. C'est moi contre moi, toi tu finis par terre. Mon big au sol, je suis en mode avion. Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche les gaz vocal. Ça blesse, MHD, Afro Trap, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, oui, tout est fêlé. La moula gang n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit, mais du sale, je vous promets. Tu m'attendais, calmaté, j'arrive. 2017, on reprend les sociétés. Ils ont voulu me boycott, j'en suis arrivé. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en veux plus d'amis que d'alliés. J'suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin, s'il veut la guerre, il est en temps retard. La puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la Fnac ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. And you're listening to Énergie. comment ça passe vite, on est déjà jeudi. Jeudi 20 décembre avec les fifous comme chaque matin. Il est 6h pétante. Bonjour. Bonjour. On espère que tout va bien ce matin. Merci d'être là, c'est jeudi. Dans 4 jours, on y est, ça y est, c'est le vent. Dans 4 jours, c'est Noël. Comme un fou. Trop bien. Comme un fou. J'ai pas un cadeau, mais je suis comme un fou. C'est vrai? Ah, je suis dans une mouise, les copains, vous n'avez même pas idée. Je n'ai rien. D'ailleurs, Tiffany, pour la cacahuète de demain, je n'ai rien te concernant. Voilà. Ça va être chouette. Voilà, ça va être chouette. Ouais. Comment ça va, mon Frisco? Ouais, ça va très bien, toi? Ouais, très très très bien. Bonjour, Jérém. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon Jérém? Mais très bien, très bien. Un petit peu fatigué. J'étais en train de me dire ça quand je suis arrivé ce matin. Demain va être une émission d'une violence. Incroyable. Parce que faut imaginer, hein, on est plus de 80 personnes quasi. Ça va nous pomper l'énergie. Et on a dû refuser des gens. À 9h, on est mort. Je vous le dis, à 9h, on est Boyton. C'est aussi simple que ça. Bonjour, Tiffany. Bonjour, tout le monde. Bonjour, Marco. Ça va bien? Ben oui, ça va super. Voilà, elle vient dans mon micro parce qu'il. Voilà. Il met mon micro. Il est top. Tiffany Go Standard qui vous attend comme chaque jour. Il y a Yannick aussi qui est là de la rédac. Bonjour. Bonjour Marco, bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va super bien et toi? Très bien. C'était le de la météo pour voir quel temps il va faire aujourd'hui. Eh bien, il fera nuageux. Aujourd'hui, beaucoup de pluie également. Par contre, il fera plutôt bon en fait pour la saison. Les températures seront comprises entre 5 et 8 degrés. Il pourrait y avoir du vent assez fort, par contre, aujourd'hui. Ah oui, j'ai senti ça ce matin. Ouais. Cette petite brise sur mon visage qui n'a pas kiffé d'ailleurs. Ah ouais. Mais on va pas se plaindre, les gars. Il est le 20 décembre. On n'a pas gratté. On n'a pas. Ouais, mais on moi, est j'aimerais bien Noël avec de la neige. Ça serait pas mal. Rêve, hein. Tu l'auras jamais, hein. Voici Oliver sur Energy. Dans un instant, c'est notre soirée sur un ton journalistique. Sur ce ton que vous prenez quand il. Enfin, très bien. Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do ya wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. And I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So dance to the rhythm of the D-O-Dub. G and the thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run the line. See what I come to find. It's your moves, baby. You did. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dub. In my book, they say sharing is caring. I got that love that you ain't used to. Dance to the rhythm of the D.O. Oh, when the DJ's spinning that song that we grew to. You know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. 6h04 sur Énergie, bon réveil avec nous, bon jeudi. Et oui, ça y est, c'est jeudi déjà, ça va très vite, hein. La semaine passe à une vitesse, les copains. Incroyable. Ça va être les vacances, après on va bien pouvoir profiter. Oui. Ce matin, nous avons décidé de vous raconter notre soirée. On le fait souvent, hein, à 6h05, on vous raconte la soirée d'hier sur différents modes, j'ai envie de dire. Oui. Des fois on chante, des fois on rappe, des fois on slam. Ce matin, nous allons le faire sur un ton journalistique. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez un peu dans les, que ce soit dans toutes les émissions, hein, le JT par excellence, mais alors même dans 50 images à l'appui, complément d'enquête, 50 minutes inside, dans toutes ces émissions, ils ont toujours un ton très, t'as l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Ouais. Et alors, On va démarrer avec celui qui, de l'équipe, normalement est censé le faire le mieux, c'est Yannick. Bah oui, c'est moi. C'est le journaliste. C'est un peu mon métier. En fait. C'est un peu ton job. Et c'est vrai, voilà, c'est un ton, vous allez tout de suite reconnaître, hein, c'est un ton très journalistique. Donc on va essayer de vous raconter notre soirée sur ce ton-là. Et Yannick, c'est toi qui va donner le tempo. Bon, je raconte ma soirée du coup. Tu racontes ta soirée sur ce ton très journalistique. Une soirée bien morose, un programme télé inexistant, un plat réchauffé. Voilà le triste bilan de ma soirée. C'est aux alentours de 22h que la décision a été prise d'aller dormir. Un choix mûrement réfléchi. C'est magique parce c'est super que dur. Tu rajoutes ça. Oh purée, terrible. Au ton journalistique. On touche le sommet, je pense. Ah, ça doit être drôle. C'est magique. Jérém, raconte-nous ta soirée sur le ton comme a fait Yannick. Alors que j'étais parti pour aller chez des amis, me voilà en route, bloqué dans les embouteillages. Comme par hasard, Jérém, cet individu toujours en retard, arriva en retard. J'ai été chez des amis jouer à des jeux de société hier soir. Pizza à gogo, chips, un peu de bière, la partie avait bien commencé. Jérém était en première position. Et puis là, c'est le drame. J'ai terminé avant-dernier. Ma soirée, elle s'est mal terminée. Voilà. Merci. Bravo. Bravo, Jérém. Pas mal. Frisco. Hier soir, Frisco, jeune Carolo de 28 ans, a été en famille au resto. Pour la dernière fois dans ce resto, il a pris un limoncello. Pour un qui ne boit pas, il n'a pas assumé. Comment s'est passé le reste de la soirée? Tout de suite, sa réponse en direct. J'ai fait chier ma copine. Je lui ai parlé pendant des heures alors que j'étais claqué. Il fait même une interview, le mec. Même à chaque fois, il y a toujours le truc qui dit sa réponse tout de suite dans 50 minutes inside. J'aime beaucoup le « il n'a pas assumé ». Allez Tiffany, ta soirée en ton journalistique. Tiffany, jeune fille de 25 ans à peine, fraîche comme la rosée du matin, ouais. Est rentrée du boulot et a glandé dans le canapé. Jusqu'à 21h où elle a voulu lancer le lave-vaisselle et le lave-vaisselle n'a pas fonctionné. Triste bilan de la soirée, elle a été se coucher. C'est magique, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, elle les gars. Ça fait penser un peu à la voix qui annonce les trains en retard. On va travailler à la SNCB dans. C'est exactement dans ça. Tiffany, c'est la SNCB. Voix 2, le train en direction de Louvain-la-Neuve. Vas-y, essaye un peu, SNCB. Le train en direction de Louvain-la-Neuve est attendu à la voie 2. Le train en direction. Ah, elle fait pas ça à la fin. Ouais, enfin, c'est un train un peu cochon quand même. Parce que vu le ton que t'emploies. Le train numéro 2, oui, petit canaillou. Il rentre en gare, mais je te dirai pas dans laquelle. Allez, ma petite soirée. Wow. Allez, vas-y, Marco. C'était en soi une soirée en somme banale. Sur les coups de 19h30, sa compagne Aude a décidé de rentrer beaucoup plus tard que prévu. Le gigot était au four depuis plus de 2 heures et malheureusement, il a pris une petite couleur noirâtre. Cela lui apporte un goût évidemment que tous les humains n'aiment pas. La soirée s'est terminée au lit, comme d'habitude, chacun de son côté, comme d'habitude, avec une frontière de 4 km entre les deux, comme d'habitude. Ah, j'adore, je pourrais faire ça tous les jours. On pourrait faire toute l'émission comme ça. Tiffany, dans un instant, va revenir. C'est super drôle, mec. Alors, il faut savoir qu'on en a un, on finit avec lui quand même, parce que c'est le maître incontesté en ça. C'est Anthony qui est chez nous à la radio, qui est journaliste aussi d'ailleurs, collègue à Yannick. Il le maîtrise, les gars, je vous jure. C'est comment il s'appelle le journaliste sur France 2, Delahousse? Laurent Delahousse, ouais. C'est le même, copie conforme. Écoutez. Cela devait être une soirée banale, mais ce mercredi soir s'est transformé en véritable cauchemar. Après des bouchons sur le ring, une pluie battante, des températures négatives, plus aucune pizza au rayon surgelé, c'en était trop. Cerise sur le gâteau, le jeune homme se rendit vite compte que Netflix ne fonctionnait pas, et là, c'est le drame. Il est magique, hein? Terrible. Il fait ça à la perfection. C'est notre Anthony de la rédac, j'adore. C'est quoi ça? C'est pas la musique. Non, c'était une. Oui, je m'amuse. J'ai ça dans mon. Je fais du rap maintenant dans la voiture. Ouais, bien. Mais non. Et je vous jure, je me suis mis une instru sur mon truc de musique et des fois je suis là. Ouais! Oh! Oh! C'est Marco, mon coco, tous les matins sur Énergie. J'arrête ce carnage tout de suite. Le mec se fait des trips dans sa voiture tout seul. Bah oui, bah voilà, comme ça vous savez tout. Voici Route 94 sur Énergie. Dans un petit instant, c'est génial. Je vais vous lire des. Enfin, vous raconter en fait des histoires de musique. Ouais. Pour vous dire en fait que, genre, je sais pas moi, ce morceau par exemple, ouais, était peut-être pas pour Route 94. Oh, il était pour quelqu'un d'autre, pour et quelqu'un eux l'ont chopé. Exactement. Oh purée. Ah, j'ai la liste dans un instant. Bonne matinée, bon réveil surtout. Eh oui, parce que le jeudi c'est le jeudi, donc faut se réveiller déjà en pleine oh, forme. Ah ouais. Pourquoi tu enlèves ton micro? Je sais pas, je touche au mauvais bouton. Les gars, je suis pas bien réveillé. J'ai l'impression que l'œil gauche me donne ce qu'il y a dans l'œil droit et l'inverse. Oula. Donc ça, oula, ça, ouais, ça croise, ça louche. Non mais tu louches juste. Enfin, tu vois le mec il essaie de dire ouais mais mon œil gauche il veut mon œil droit. Tu louches, c'est tout. Voilà. Camilla Cabello, on va écouter ça dans un instant et on va se faire ça. C'était pas pour eux. Genre, je vous donne un exemple. On en avait déjà parlé. Hein, je sais pas si vous vous souvenez. Le Baby One More Time. De ah oui. Britney Spears. De Britney Spears qui était pour TLC à la base et pas pour Britney Spears. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. TLC c'était pas les nièces de. Ah non, rien à voir. Pardon. De. Non, je pensais que c'était les nièces de Michael Jackson, mais c'est les trois petits neveux de Michael Jackson. Ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais il y en a plein comme ça. Vous allez voir dans un instant. Genre, si je vous dis le Hello de Beyoncé. C'était pas pour Hello. C'est Allo c'était plutôt. Allo. Ah oui. C'était pas pour Beyoncé. C'était pour qui? Ouais. C'était pour Leona Lewis. Oh purée, non ouais. Et ouais. J'en ai plein d'autres comme ça. Je vous dis tout ça dans un petit instant après Camilla Cabello qui arrive sur Énergie. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios de hits inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hypnonante. Revisitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hits 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Macro, vous avez tout d'un pro. Des huîtres au plateau de fruits de mer composés par vos soins, de la langoustine au homard, en direct de la mer ou dans notre incroyable rayon surgelé, Macro, c'est aussi le plus grand marché aux poissons. Macro est également ouvert ce dimanche 23 décembre pour tous. Macro, vous avez tout d'un pro. Jusqu'à dimanche inclus, 1 plus 1 kilo gratuit sur les scampis surgelés calibre 16-20 pour tous. Vous cherchez un excellent parfum ou un cadeau beauté à offrir? Chez Ici Paris XL, nous nous ferons un plaisir de vous aider en parfumerie ou en ligne. Ici Paris XL, tellement plus qu'un cadeau idéal. La question du jour. Est-ce qu'une fissure sur mon écran signifie un trou dans mon budget? Mais non! Dans notre Solutions Corner, vous pouvez profiter de 20 euros d'avantage sur toutes les réparations d'écran. Et nous remettons votre appareil à neuf pendant votre visite. Maintenant au magasin. Conditions sur Mediamarkt.be. Chez Eneco, nous sommes fans de l'énergie du soleil et du vent, et aussi de nos clients. C'est pourquoi nous nous coupons en quatre pour réaliser vos vœux de Noël les plus verts. Je souhaite une mer plus propre pour tous les poissons. Moi, je souhaite des lumières de Noël à l'énergie verte. Et moi, je souhaite un avenir durable pour tous les enfants. Partagez votre vœu vert sur enecoNoël.be. Soufflez aussi fort que vous pouvez, et il deviendra peut-être réalité. Bonne chance de fin d'année avec la Loterie Nationale. Bonjour, comment allez-vous? Je suis le hibou du loto de Noël et j'ai une nouvelle époustouflante. Il y a en effet 2 500 000 euros à gagner ce 24 décembre grâce à notre loto de Noël. Houhou, c'est le cas de le dire. N'oubliez pas de jouer au loto extra. Jouez maintenant à notre loto extra de Noël du 24 décembre. Il y a 2 500 000 euros à gagner. Dans un petit instant, Camilla Cabello qui va arriver sur Énergie. Avance un petit point sur les routes, Yannick, ça donne quoi? Ça roule plutôt bien pour l'instant, en tout cas. On signale juste une manifestation de gilets jaunes. C'est donc compliqué sur la E19 de Mons en direction de Paris. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Sur Énergie, 6h19, c'est jeudi, on se réveille tout doucement, une petite voix qui vient caresser ton oreille, de boum. C'est qu'il est bête, purée, il m'a fait peur. C'est le truc le plus affreux que tu puisses faire à quelqu'un, je crois. Oh, tu lui parles doucement et puis après tu hurles dessus. On va dans un petit instant écouter le nouveau Shawn Mendes avec Z, ça va arriver. Avant ça, je voulais vous parler de ça, parce que c'est assez hallucinant quand même, vous allez voir. Si je vous fais écouter ceci. Tout le monde a reconnu. Évidemment. C'est qui? Miley Cyrus. Miley Cyrus. Eh bien, sachez-le, cette chanson n'était pas pour elle à la base. Allez. We Can't Stop. Non, elle n'était pas destinée à Miley Cyrus. À votre avis, une star américaine, une fille, jeune, ça aurait pu être qui? Selena Gomez. Non. Non, non, non. Ouais. Ariana Grande. Non plus. Oh. Taylor Swift. Ouais. Non. Rihanna. Allez. Arrête! Eh ouais, le Weekend Stop était destiné à Rihanna. C'est vrai que quand il écoute, c'est un peu le style de Rihanna. C'est un peu le même truc. Autant cartonné, je pense, avec Rihanna. Oui, je pense aussi. Oui. Voir peut-être. En fait, la chanson est bonne, que ce soit chantée même par Tiffany, ça aurait cartonné, tu vois. Et donc, ouais, voilà, elle n'a pas voulu faire le truc. Et puis, bah, le mec a pu proposer son travail à Miley Cyrus qui a dit OK, go. OK, go. Go, go, go, go, go. Ah, franchement, elle est terrible cette chanson en plus. On va parler de Justin Timberlake. Alors là, je vous avoue que pour le coup, j'ai été très surpris. Choqué, ouais, vraiment, parce que Justin Timberlake doit deux titres de sa carrière à une grande personne de la chanson. Déjà, à votre avis, c'est quel titre? Deux gros titres. C'est sûrement un titre de Pascal Obispo, il a tout écrit. J'allais dire Mireille Mathieu, mais tu m'as volé mes vannes. Non, deux titres que Justin Timberlake a fait, deux gros hits. Cry Me a River. Oh, dommage, pas ce... You go the run, turn around, turn around, gonna run away, turn around. J'adore, vous êtes magique. Les deux gros hits, il y avait Walk Your Body. Ah oui, il y a ça aussi. En même temps, j'ai envie de te dire, il a fait que des hits, hein, lui aussi. C'est vrai. Je vous l'accorde. Je mets l'extrait vite parce que ça fait plaisir à réécouter un petit Justin Timberlake avec Walk Your Body. Baby. Ce titre-là, et il y avait Señorita aussi. Oh, ah, j'adorais. Ouais. C'est un de mes préférés. Il est terrible, ah, j'adore, Señorita, c'est vrai. Là. Eh ben, c'est hallucinant. À la base, ne me dis pas que c'est. Ne me dis pas que c'est lui. Vas-y, dis-moi. Parce que je sais qu'ils sont très proches au niveau style. Michael Jackson, les gars. Purée. Rock Your Body et Señorita, c'est deux titres qui ont été proposés à Michael Jackson. Ça m'étonnerait même pas, en fait. Mais quoi, il était déjà décédé, Michael, ou... Non. Il était encore là. Hein, ah, encore, oui, ouais. Ouais, c'est vieux, Señorita. Oh ouais, j'adore ce Rock Your Body. Señorita, les gars, je peux pas être partout, mais j'arrive pas à le retrouver. Ah si, il est là. Ah non, c'est Amine. Non. T'es tout content, tu dis ah oui, il est là. Et non, c'est non, pas ça. Alors celui-là, c'est hallucinant. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Ah oui. Céline Dion. C'était pour Céline Dion. C'était pour Céline. Et elle a. Ouais, bah parce qu'après elle a regretté, à mon avis, elle s'est dit je pensais que t'es un sacré titre, un tabarnak. Je peux pas du tout faire l'accent. Ouais. Non, on aurait dit Céline Dion, Céline Charleroi. Ouais, Céline est devenue liégeoise en un coup de. Toi, tu le t'as bien géré, mais essaye un peu. Je suis tellement content d'être là. En fait, tu dis qu'une phrase. Non. Ouais, c'est le nouveau Shawn Mendes sur NRJ. All it takes is one fight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows, I got an idea. And I know that it sounds crazy. I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost tonight. Let's get lost tonight. I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Let's get lost. Let's get lost. I they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. Don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. Oh, oh, baby. I think about it when I hold you. When looking in your eyes, I can't believe. I don't need to know the truth. Baby, keep it to yourself. I don't wanna know if you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. How you moving? I know when you in the house or when you cruising. It's been proven my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure. Just wanna let you know that I don't wanna let you go, and I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You want to ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. 'Cause if not, then it's best you leave. I don't wanna know, yeah. If you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. On a les concours de la semaine qui vont arriver dans un petit instant. Il y a David Guetta avec Bébé Rexha, côté du Soprano aussi pour vous. Et puis on a un bon sujet ce matin, vous allez kiffer, restez là. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne que j'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Et si on en est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. Et puis si j'insiste, c'est qu'il faut pas oublier. Évidemment, on va laisser parler le temps. On a assez haussé le ton. Rien ne sera plus jamais comme avant. Si je te mens, c'est pour notre bien justement. Ne me juge pas sur le moment ou sur ce que me font faire mes démons. Est-ce que tu te vois tout reconstruire avec un autre? Souffrir sans dire un mot, revenir pleurer sur mes épaules. Est-ce que tu nous vois expliquer tout ça à nos parents? Laisse-moi espérer que ça s'arrange. T'as oublié tout ce qu'on se disait. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis bagarré contre vents et marées. Je l'ai fait pour toi, tu ne le vois pas. Oui, je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je suis battu contre tout ce qui parlait. Je l'ai fait pour toi, mais tu ne le vois pas. Ça tu vois pas. J'ai fait pour toi. Dimanche, tous nos magasins sont ouverts. Trouvez le cadeau idéal chez Crefel ou 24h sur 24 sur crefel.be/cadeaux. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Dans un instant, David Guetta et Bébé Rexha sur Énergie. Ça arrive juste après un point sur la météo pour aujourd'hui. Il fera très nuageux aujourd'hui, beaucoup de pluie également. Par contre, il fera plutôt bon pour la saison. Les températures seront comprises entre 5 et 8 degrés. Il pourrait y avoir du vent assez fort aujourd'hui. L'actualité de ce jeudi 20 décembre avec Yannick Farkas à 16h30. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la solidarité humaine. Depuis l'activation du plan hivernal, plusieurs centaines de bénévoles sont continuellement sur le terrain pour aider les plus précarisés et les sans-abri. Le plan hivernal de la Croix-Rouge continue au-delà des fêtes et dépend de la solidarité de tous pour aider un maximum de personnes qui vivent dans la pauvreté en Belgique. Après avoir rencontré les présidents du CDH Benoît Lugène et de l'OpenVLD Gwendoline Rutten, le roi a reçu les président de la NVA et du PS, Bardo Weaver et Yodi Rupo. Le roi a ensuite interrompu ses consultations afin d'assister au concert de Noël qui était prévu à 17h au Palais Royal de Bruxelles. D'ailleurs, toute la grande famille du roi et de la reine était présente à l'événement. La Belgique a bien approuvé le pacte migratoire à New York. Le vote a eu lieu lors de l'Assemblée Générale de l'ONU. La Belgique était représentée par son ambassadeur aux Nations Unies, Mark Pechtstein. Ce vote était la dernière étape d'un long parcours pour le texte. La Belgique a donc confirmé son approbation. La crise et la démission du gouvernement n'aura pas eu d'impact sur la position du pays. Le procureur de Washington a lancé des poursuites judiciaires contre Facebook. En cause, sa gestion des données personnelles dans le cadre du scandale planétaire Cambridge Analytica. Le réseau social est accusé d'avoir laissé les données personnelles de dizaines de millions d'usagers arriver entre les mains de cette firme d'analyse de données. Une entreprise qui a travaillé pour Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016. Et enfin, en football, l'Union Saint-Gilloise a créé l'exploit hier soir. Les unionistes ont réussi à éliminer Genk de la Coupe de Belgique au terme d'une séance de tirs au but. Le score après 90 minutes était de 2-2. Dans les autres matchs de la soirée, Malines a battu Courtrai 3-0 et Ostende s'est imposé 0-1 à Eupen. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Le 6-9 sur Énergie. Enfin une crèche qui a de la gueule. Ah bah oui. 6h33, bonjour. Bonjour. On est avec les enfants, il y a enfant Tiffany. Oui, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Il y a enfant Frisco. Bonjour papa. Gros bébé. T'as faim, t'as faim. Et il y a Jérém. Bonjour papa. Oh non, m'appelez pas papa, c'est affreux. Bonjour papa, Frisco. Arrêtez. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name. Let me heal. let go, come on. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Soprano arrive dans un petit instant après les concons de la semaine. Ouais. Ah, il y a du concon chez nous. Ah bon? Eh oui, en Belgique. Allez. Plus précisément, même à Bruxelles, capitale. Hashtag concon de la semaine. Ah, il est magique, lui. Hein. C'est un jeune, en fait, qui a été retrouvé coincé dans la conduite d'évacuation d'un restaurant. Mais comment il a fait? Alors là, mon ami, il me demande pas. Mon avis, il devait être éméché comme pas possible. C'est un truc de dingue. C'est la police, en fait, qui a retrouvé, qui a reçu un appel signalant la présence d'un mec qui était coincé dans le conduit d'évacuation de vapeur. Vous voyez les trucs, la bouche d'aération, quoi. Ouais. D'un resto de cuisine. Qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, en fait? Je sais pas. Il reste du gras. Le mec, ouais, soit ça, ou alors il a trop joué à Spider-Man ces derniers temps. Il s'est dit, une bouche d'évacuation, c'est là que je dois passer. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, je joue beaucoup à Spider-Man, mais je sais que je passe pas dans une bouche d'aération. Hein. Ah, non, mais. Enfin, voilà. Et alors, sachez-le, on sait pas pourquoi. Hein. La police ignore toujours pourquoi, comment il a pu se retrouver là, quoi. C'est voilà. Pas possible, il avait caché un truc. Il pense à une tentative de cambriolage, mais ils sont pas sûrs. Donc voilà. Okay. Ah. Quelle idée de passer par la haute, quoi. C'est pris pour Michael Scofield. Oui, attends, j'ai le plan du resto. C'est là à gauche. J'ai le plan de la haute, frère. On va parler de Disneyland parce que c'est vrai qu'on est fan de Disney. Enfin, moi j'aime bien. C'est, bah c'est oui. Vrai. Qui n'aime pas Disneyland? On aime y aller. Alors, je sais pas, vous y allez combien de fois par an? Moi, Une fois tous les 2-3 ans. Moi, j'ai été deux fois sur toute ma vie. Moi, j'y vais 2-3 ans, 2-3 fois par an, j'aime bien. Mais toi, t'as un abonnement, toi? Ouais, j'ai pris l'abonnement. Monsieur a l'abonnement annuel. Monsieur est un Mickey Mouse. Monsieur a des facilités. Eh bien, eux, ils y ont été 300 fois dans l'année. Voilà. Oh, mais ça veut dire presque une fois quasi tous les jours. Ouais, c'est tout donc. Toutes les semaines. Eh, t'as vu, je suis forte en maths. Eh, ben, mal, hein, 365 jours, 300 fois, nanana, t'as là du loulou. Ouais, ça fait quasi toutes les semaines, en fait. Hein. Bah, 100... C'est plus que toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est 52 semaines. Oh. Ah, bah, ouais, bah, ça veut. Donc, bah, c'est voilà. Presque tous les jours, ouais. C'est hallucinant. Ils habitent à côté, on sait pas. C'est aux États-Unis, donc c'est pas en France, hein, je vous rassure. Donc, c'est okay. Là-bas, en Floride. À mon avis, je suppose qu'ils sont pas très loin du parc. Ils dépensent quand même 180$ tous les mois pour y aller, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais l'avantage, c'est que tu connais Mickey et que t'arrives, tu fais ah, ça va Mickey, ça ouais. Va, ah, bah, tu vas tranquille. Tu lui, hey Johnny, what's up? Tu lui claques la bise en arrivant. Ah, ouais, clairement, bah, il dab, hein, il te voit arriver, il fait bam, dab, Mickey, hey, ouais, Mickey. D'ailleurs, ils discutent ensemble. T'as fait quoi hier soir? Bah, hier, j'ai regardé une série et Mickey fait ouais, moi aussi. Ouais, bah, après, t'as plutôt qui arrive, il fait au fait, attends, Dingo, il a changé de numéro, hein, tu l'auras plus sur. C'est magique. Bah, j'aime beaucoup, mais d'y aller 300 fois par an, pas déconner quand même. Ouais, non, c'est abusé. On va revenir sur ce qu'a fait le buzz, les copains. Vous savez, cette histoire de Miss France où il y a eu un petit bout de téton qui est apparu. Ouais. Hein, bon, ça a fait scandale. On sait le pourquoi du comment. Ah ! Et je me suis permis de le mettre dans le concon de la semaine. Enfin ! C'est Franck Broca qui était en fait le réalisateur de l'émission donc de Miss France. Ouais. Et il faut savoir que pendant les répétitions, ils ont fait ces tests-là. Ils voulaient montrer beaucoup plus les coulisses. Tout s'était bien présenté pendant la répétition. Ben oui. Et en fait, au moment du show, ce qui s'est passé, pour avoir donc la petite explication, c'est qu'ils étaient en... Bon là, je vais vous parler technique, mais en un plan. Donc il y avait une image dans la télé. Ouais. Et d'un seul coup, dans l'oreillette, on lui a dit « Ouais, tu peux faire un split, GG, tu peux en mettre deux !» Alors lui, il est content, le réalisateur, il se dit « Ouah, je peux mettre deux images dans la télé ouais. !» Bam. Et donc c'est là qu'il a splitté l'écran ouais. Et qu'on voyait le plateau d'un côté et les coulisses de l'autre. Et les coulisses de l'autre. Sauf que le cadreur... Il a pas bien compris, il a dézoomé. Au lieu de rester zoomé sur la personne qui était en coulisses, il a dézoomé. Il a fait ce qu'on appelle un plan large dans le jargon. Okay. Et donc, du coup, bah là, il y avait les tétés de tout le monde. Oh purée! L'effet fesse à Geneviève. Merci GG, on dit. Pour GG, allez, allez! GG, sache-le, tu n'es pas mon concon, tu es mon champion de la semaine. Et on va finir avec cette pépite, les copains. C'est un braconnier américain qui a été condamné. Évidemment, on ne braque pas. Enfin, on ne braconne pas plutôt. Et on ne braque pas non plus, hein, c'est pas cool. Et c'est un juge de l'État américain. Oh, je l'aime bien celui-là, on l'avait oublié. Le Missouri. Oh! Le Missouri est super chouette. Le Missouri est super chouette. Et il a condamné en fait ce braconnier multi-récidiviste à visionner, écoutez bien, c'est hallucinant, la pire punition de toute l'histoire, à visionner tous les jours Bambi. Mais non. Grand classique de Disney, tout le monde connaît. Relatant un peu la vie d'un enfant, hein, ouais, dont la mère est tuée par un chasseur. Ah purée. Pour lui montrer que c'est pas bien. Et que ça fait pleurer Bambi. Ça fait pleurer Bambi. Et tu crois qu'il va changer de comportement après? Oh, je sais pas, mais en tout cas, Bambi va bien le connaître, ça c'est sûr. Oh purée. Tous les jours, t'imagines Bambi. GG, c'est la séance Bambi. Mais une fois ça va, mais le regarder tous les jours, c'est une punition horrible. Mais je vais te dire, même bizarre. C'est la pire punition que tu puisses me donner, moi. Bambi, franchement, en plus je l'ai vu une fois, je crois. C'est pas. On sait tous qui sait pas faire du roller ou qui marche sur la glace et tout ça. Ça galère rien sur la glace, ouais, non, c'est mais... ça. Non, vraiment, c'est la pire punition. Ça me donne envie de lancer un hashtag ce matin. Ouais, hashtag vas-y. Ma pire punition. Ah ouais, on a tous eu des punitions. On a tous été punis un jour ou un autre. Hein. Oui. Surtout toi, Tiffany, je pense. Ouais. Ah oui. Ah bah tu te punis tous les jours en mettant ce genre de vêtements. Hein. Elle est revenue avec le sapin de Noël ce matin. La pire punition, on va parler de ça avec vous ce matin. 30-18 par SMS, l'équipe, réfléchissez. Quand vous étiez jeune ou même maintenant, hein, peut-être que votre femme vous punit, je sais pas. Ma pire punition, c'est le hashtag qu'on lance ce matin, on en parle juste après. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tend toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Ma maman dit la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman dit laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. La, la, la, la, la, la, la, la. Ma pire punition. Puisqu'il y a un gars là dans les concombres de la semaine qui vous a raconté, il doit regarder Bambi. Alors rectification, c'est pas tous les jours, c'est tous les mois. Pardon. Non mais c'est bien, vous avez raison les fifous de nous corriger. Ouais, voilà. C'est Séverine qui nous a dit c'est pas tous les jours. Eh ben merci à toi Séverine. Voilà. J'aime beaucoup aussi Séverine qui dit on va Corélie, manque à l'appel. C'est gentil pour Yannick. Ouais, c'est ça, je l'ai un peu mal pris. Ouais, parce qu'il nous a dit pour Corélie. Bah ouais, pourquoi pour moi. On se sent aimé, super. Ouais, c'est ça. Bien vu Séverine, en effet, c'est tous les mois. Mais

myself a longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. Sometimes I fear myself. Matinée avec nous sur Énergie, 6h53, dans un petit instant le nouveau Zara Larsson. Ça arrive pour vous ce matin pour démarrer cette journée dans la bonne humeur avec vos hits préférés. Et ce matin nous avons lancé un beau hashtag, ma pire punition. Suite à ce mec qui a été puni, un braconnier aux États-Unis qui doit regarder Bambi tous les mois. Contraint et forcé de regarder Bambi. C'est le hashtag ma pire punition. On en parle ce matin avec vous, Tiffany. Oui. C'était quoi, toi, ta punition quand tu étais jeune? Bah, ma pire punition, en fait, c'est... C'est ta naissance, hein, je pense. C'est la punition pour tout le monde. Non, mais je me souviens que ma maman tenait un magasin et il y avait des étiquettes qu'elle mettait sur les paquets cadeaux. Et à chaque fois que je tenais le magasin, j'avais 20 francs. Et alors, enfin, elle partait faire à manger, elle revenait, enfin bref, j'avais 20 francs. Elle te laissait j'allais toute m'acheter. Seule. Mais oui, mais on habitait deux maisons plus loin que le magasin. Et donc, dès qu'il y avait un client, je l'appelais, j'avais 20 francs, j'allais m'acheter des bonbons. Et en fait, un jour, je trouvais que je ne tenais pas assez souvent le magasin, donc je n'avais plus d'argent pour aller m'acheter des bonbons. J'ai été vendre les étiquettes, les autocollants que tu mets sur les paquets cadeaux. Et il y avait un opticien juste à côté, j'ai été lui vendre le paquet d'étiquettes et il m'a donné de l'argent. J'étais là, wouhou, dealing, dealing. Et donc, du coup, j'ai pu m'acheter un gros paquet de bonbons. Je me suis fait, je me suis fait confisquer le paquet de bonbons. Et j'ai dû aller rembourser le. Enfin, j'ai dû aller m'excuser et donner le reste de l'argent à l'opticien, quoi. Vous avez compris, ne jamais rien confier à Tiffany. Elle va le vendre. 20 ans plus tard, c'est toujours le problème. Hein. Ah bah ouais. Non, mais le micro, elle l'a déjà vendu. Le standard, elle a failli le vendre. Heureusement, on l'a arrêté avant qu'elle passe la porte du studio. Incroyable, cette fille. Je pourrais te vendre n'importe quoi. Oui, bah ça, on a bien remarqué, oui. Hashtag ma pire punition, Jérém. Ben moi, c'est très bizarre. Ma mère m'a fait faire 70 tours du jardin. Du jardin. Oui, parce que j'avais joué au tennis dans le salon et j'avais cassé les carreaux du salon. Et je me souviendrai toujours, elle savait pas quoi faire, donc au lieu de m'engueuler, elle m'a engueulé, elle m'a regardé, elle me fait, tu sais quoi, tu vas aller courir dehors et tu me feras 70 tours du jardin. Moi, je croyais qu'elle rigolait, donc je me marre. Et elle a ouvert la porte, elle m'a dit: tu y vas? Il drachait, les gars. Oh. J'avais un jardin de long de 70 mètres. J'ai mis plus d'une heure sous la pluie. Oh, c'est qui se joue, hein? Monsieur habite de Bille, oui. Monsieur a un jardin. Nous, ça aurait été des tours de balcon. Lui, c'est des tours de jardin. Vous êtes bête. Et attention de ne pas marcher dans les crottes de poupouche. Hein. C'était pas poupouche, c'était ZZ. Oh, pardon. Ah, Hashtag ma pire punition. C'était quoi, toi, mon Frisco? Ah, moi, c'est à chaque Noël, en fait. C'est mon père. À chaque fois que je rentre chez mes parents, il est toujours obligé de regarder des vieux films, tu vois, genre les 10 commandements, les films historiques, la Ben-Hur, les 10 commandements, les films qui durent 4 heures, et genre impossible de lui dire: t'as pas envie de changer? Non, il regarde jusqu'au bout. Donc du coup, tu dois attendre, t'attends la télé. Tu peux lui dire qu'à la fin il meurt, hein, de toute façon. Mais oui, mais le pire c'est qu'il les voit tous les Noëls. Tous les Noëls, c'est le même film. Tu fais, mais tu l'as vu 15 fois. Ouais, mais toi tu sais, retournes à ce Noël-là. Mais ouais, mais quoi, c'est mes parents, j'ai quand même. Mais tu sais bien que le monsieur il va marquer sur des plaquettes en marbre des commandements. Si tu t'en fous, il va aussi. T'énerve pas. Non, mais ça m'énerve. Si, je vois que ça t'énerve parce qu'on arrive le 24 bientôt. Et... Mais oui, c'est bientôt et j'ai pas envie. Et toi, Marco? Hashtag ma pire punition ce matin. Oh, moi c'est affreux, les gars. Une fois que j'avais fait aussi le bête, j'avais sali les carreaux que ma mère venait de nettoyer. Punition, elle m'a dit: tu vas tondre la pelouse. Chouette! Ouais. Avec des ciseaux. Mais non! Moi, chouette! Ouais. Le mec, il a pas fait coiffeur. Hein. Non. C'est pour ça qu'il se coupe les cheveux lui-même aujourd'hui. C'est peut-être pour ça. Et je m'en sors vachement bien. T'as vu ce petit dégradé? La nostalgie de la pelouse, quoi, dans ses cheveux. Quel dommage d'avoir un balcon. I knew what I had when I left. I miss you. You set fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone and I'm starting to freeze. Baby, come bring me hell, let it rain over me. Baby, come back to me. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life, yeah. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on. If you make it all wrong, let it make it all right, yeah. I want you to rule my life, you to rule my life, you to rule my life. Ma pire punition, on en parle avec vous ce matin. 30-18 par SMS. On nous dit: mes parents ont puni ma petite sœur, ils l'avaient oubliée. Elle peut me dire merci. Oh, c'est vrai, non. C'est abusé, t'imagines. Va au coin. 3 jours plus tard, elle est où au fait, Titiana? Non. C'est abusé quand même. Oh purée. 30-18 par SMS ou alors le 0800-234-56. Vous appelez Tiffany, c'est gratuit. On parle de nos pires punitions ce matin avec vous et on revient là-dessus juste après. À tout de suite. Tu

en football, l'Union Saint-Gilloise a créé l'exploit hier soir. Les unionistes ont réussi à éliminer Genk de la Coupe de Belgique au terme d'une séance de tirs au but. Le score après 90 minutes était de 2-2. Dans les autres matchs de la soirée, Malines a battu Courtrai 3-0 et Ostende s'est imposé 0-1 à Eupen. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Sur Énergie, bonjour. C'est Noël. On est en pleine période. Ah, quelle belle déco. On a une chance extraordinaire ici déjà d'être avec vous chaque matin, ça, sachez-le. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est un pur bonheur. Mais on a aussi de la chance d'avoir un beau studio décoré en Noël. Merci à Jean-Marie qui nous fait chaque année une exceptionnelle déco de Noël. Il cartonne. Hein. Vraiment. Il pourrait être décorateur en plus d'être animateur. Ah, complètement. Oui, parce que c'est l'animateur très connu, vedette, hein, j'ai même envie de dire, de notre copine radio, Nostalgie en face. De notre sœur. Grande sœur, oui. Elle a tout à nous apprendre. Et elle a beaucoup plus d'expérience. C'est une femme nature, Nostalgie. Et donc, ouais, non, il est incroyable. On a une belle déco. J'espère que vous aussi, vos maisons sont bien décorées, que vous êtes prêts à fêter Noël. On va fêter ça ensemble déjà demain, puisque ce sera une grosse émission publique. Demain, vendredi, la dernière de la semaine, en public avec Alice on the Roof qui sera notre invitée. Ça va être trop bien. Ah, ça va être très, très, très chouette. On va se mettre dans l'ambiance de Noël. Et tous en costard. Hein. Tous sur son 31, les gars. J'ai hâte de voir Tiffany sur son 32. Comment ça va donner? C'est... Oui. Ah, ben je vais me faire biche, hein, je peux vous le dire. Hein, ça. Ah, j'ai hâte. Je te jure, j'ai hâte de voir si. Ouais. Non, mais c'est parce que là, elle vient de le dire, donc du coup, on s'attend à quelque chose d'incroyable. Ah, du lourd, du très lourd. Oui, non, faut pas s'attendre à du lourd. Ça sera demain en direct dès 6h du matin sur Énergie. Et on aura Mickey et Flo, nos deux musicos qui seront là aussi, qui vont nous faire un medley spécial Noël. Oh, ça va être trop bien. Ça va être chouette. Demain, ça va être une grosse ambiance avec plein de cadeaux déjà sous le sapin. On les aura avant tout le monde. Panic at the Disco, on écoute ça maintenant. Et on va jouer au mot commun dans un instant, ça fait longtemps. Ah oui, cool. Bon jeudi sur Énergie avec Taylor Swift qui va arriver dans un petit instant. Kick it off, c'est ce qu'on va écouter pour bien se réveiller ce matin. On espère que toi bien en tout cas. On va faire un petit jeu sympa. Vous allez pouvoir tendre l'oreille ce matin et jouer avec nous aussi. On va voir si vous êtes attentif. Des fois, il y en a qui sont comme ça, comme Tiffany, et tout le temps. Et qui ne sont pas attentifs du coup. Non, parce que quand on parle, elle nous reparle de la même chose, mais deux jours plus tard. Parce qu'on dit, ben oui, on en a déjà parlé. Ah bon? Elle est extraordinaire pour ça. Et c'est vrai, on va voir ce matin si vous êtes en mode attentive ou attentif, puisque nous allons jouer au mot commun avec Renaud. Oui, Renaud qui travaille comme banquier du côté d'Otigny. Il est joueur de hockey. D'ailleurs, il est ancien Red Lions depuis l'âge de 5 ans. Et puis, en ce moment, il attend la troisième saison de La Casa des Papels. Et il regarde aussi The Stranger Things. The Stranger Things. Ouais. J'ai pas compris avec les Red Lions. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue du hockey depuis qu'il a 5 ans, mais c'est un ancien Red Lions. Oh, terrible! Ah, la classe, hein. Bonjour, Renaud! Salut Marco, salut Rifou! Salut! Renaud, du coup, très fier de la Belgique, hein, championne du monde, c'est la classe totale. Ah, c'est la classe totale, c'est clair. Là, c'était la folie et à mon avis, les gars font encore la fête pendant une quinzaine de jours. Ça, c'est clair. Est-ce que t'as entendu notre chanson qu'on a fait pour eux? Ouais, pas en direct, mais j'y ai vu sur Insta, ça donnait super bien. Alors, il y a la vidéo en entier sur Facebook. Ouais. Et il faudra la mettre sur Insta alors tout à l'heure. Ouais, mais voilà. Mais Facebook. Plus simple, allez la voir en entier sur Facebook. Ou sur energie.be, la vidéo est partout. Les fifous du 6-9 sur Energie pour nous en trouver. Renaud, nous allons jouer ce matin au mot commun. Le mot commun, c'est quoi? C'est très simple. Nous allons chacun donner une phrase, dire une phrase, lire une phrase. Et dans, il y a donc Jérém, Frisco, Tiffany et moi-même, donc on est quatre. Il y aura dans ces quatre phrases un mot en commun. Tout le monde aura dit une fois ce mot-là. Et il faut retrouver le mot commun, tout simplement. Ok, et j'ai comme Tiffany 2 jours de réflexion. Comme il clash. Tu as j'adore. C'est génial. Tu as un peu de temps, en effet, pour réfléchir, Renaud. On y va. Voici la première phrase, Tiffany. Oui. Alors, pour Noël, j'ai prévu de me faire plaisir. Hein. Au menu, ce sera raclette avec du fromage suisse. C'est la première phrase. Ok. Deuxième phrase, Jérém. Soyez attentif, hein. Tendez l'oreille. Hâte d'être le 24 pour fêter le réveillon avec mes proches au Luxembourg. Ok. Ouais. Frisco. J'ai été au resto hier avec ma famille. On a fait un Noël avant le. Avant le? Avant l'heure. Ah, avant l'heure. J'ai compris avant le et je me dis, tiens. Non, avant. il sait pas se relire. Ma phrase n'est pas sortie. Et voilà. Dernière phrase, Renaud, tend bien l'oreille. L'oreille, pardon. Il y a un mot en commun dans toutes ces phrases. Voici la mienne. J'espère vraiment que pour le réveillon de Noël, on aura du homard avec des blinis saumon. Ouais. Je suis pas sûr de la troisième, mais sinon j'aurais dit Noël. Noël! Eh bien, c'est le piège que nous t'avons tendu. Et tu es tombé dedans. On relit tous vite une fois? On relit très rapidement sa phrase. Tiffany. Alors, pour Noël, j'ai prévu de me faire plaisir. Au menu, ce sera raclette avec du fromage suisse. Jérém. Hâte d'être le 24 pour faire le réveillon avec mes proches au Luxembourg. Soyez attentifs, c'est un seul mot qui est en commun dans toutes ces phrases. Frisco. J'ai été au resto hier avec ma famille. On a fait un Noël avant l'heure. Et je termine. J'espère vraiment que pour le réveillon de Noël, on aura du homard avec des blinis saumon. Ok, ça va. Avec alors. Ah, j'adore. C'est votre dernier mot? C'est ton dernier mot? On prend le mot avec? Ouais, on passe au avec. Eh bien, le mot commun ce matin, c'était... Avec! Ouais! Bravo! Eh ouais, Renaud, bien vu, bien joué. Eh ouais, il faut être hyper attentif, hein, parce que le avec, c'était très subtil. Hein. Fallait le repérer. Il est un peu dégueulasse, cette heure. Oui, tu peux le dire, on était pas cool. On a fait les furts. Mais écoutez, à un moment donné, hein, il faut pas que non plus tout soit acquis dans un plat comme ça. Voilà. Hein. Non. On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein. C'est sûr. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Je sais pas, mais j'aime bien cette expression. Oui, mais c'est parce que lui, Jérém, c'est normal, il l'a pas eu dans la bouche, la cuillère en or. Donc c'est pour ça qu'il connaît pas. Il l'a eu ailleurs. On te souhaite une belle journée, Renaud. Du cadeau pour toi, je t'en passe Tiffany pour choisir ton cadeau parmi une belle liste de cadeaux, tu vas voir. Oula. Merci Marco, à très bientôt. À bientôt, Renaud. Bisous. Bonne journée. Ciao.

Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez ? Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez 2 mois gratuits sur notre assurance auto. Infos et conditions sur etias.be. C'est en 20 sur énergie. Yannick, ça roule ma poule ? Plus ou moins, c'est compliqué. Oh, donc c'est compliqué sur la E19 de Mons en direction de Paris, en cause une manifestation de gilets jaunes. Le trafic est perturbé de Namur à Bruxelles, vous perdez 11 minutes. On signale un accident, la chaussée est fermée sur la N5 de Philippeville à Couvin. Un autre accident à hauteur de Frasne en direction de la France, la chaussée est fermée. Et enfin, c'est compliqué entre Oudin et Boisden, vous perdez 12 minutes. Hashtag ma pire punition, on en parle ce matin avec vous. La pire punition, c'est la vanne que tu viens de sortir. Après DJ Snake, on lit vos messages, il y a des messages, je suis halluciné. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister une punition pareille. Ouais, moi aussi. On va lire ça juste après DJ Snake, restez là. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rum. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny llegaron los Anonaki. No le baje, el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I have music, I have flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said, should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I have music, I have flows. Taki taki, taki taki. 7h24 sur Énergie, le nouveau Kenji. Diago. On va écouter ça dans un petit instant et on a lancé le hashtag ma pire punition ce matin avec vous et il y a beaucoup de réactions. Ça, il faut le dire, c'est extraordinaire. 0800 23456 pour nous appeler comme l'a fait Anna ce matin. Bonjour Anna. Bonjour, ça va? Bien, bonjour, toi. Ça va? Bonjour, bonjour. Anna, hashtag ma pire punition. Quelle a été ta pire punition, Anna? Ben, j'ai dû recopier le Becherel 3 fois de suite. Le Becherel? Le Becherel tout? Oui, tout. Oh là là, et pas qu'une fois, 3 fois. Oh l'horreur. Oui, 3 fois, oui. Alors, le verbe être au participe passé présent. Je ne peux plus dire. Eh ben, tu me le recopieras 3 fois, ça n'a pas servi. Oui, mais j'avais 8 ans, ça fait déjà longtemps. Hein. 8 oh là ans là, mais c'est atroce comme punition à 8 ans de recopier 3 fois le Becherel. Ah ben, maintenant, j'écris sans faute d'orthographe. Hein, ah ouais, sans blague. Ah ouais, on aurait dû donner la même punition à Ribéry, hein, ça ouais. L'aurait peut-être été. Et lui pour le Becherel de la grammaire, tu vois, pas de la conjugaison. La totale. Oh, il dirait, moi j'aime bien cuisiner, ça me dérange pas de la Becherel, j'aime bien ça. Oh là, alors, Anna, moi j'ai une question, tu as des enfants ou pas? Non. Non, d'accord. Tu comptes en avoir? Oh, ben j'aimerais bien, oui. Ouais, mais est-ce que tu vas retransmettre ça à tes enfants plus tard ou pas? Non, je crois pas. On est d'accord. Ne surtout pas faire. Ouais, on merci d'accord. d'être venu ce matin, Anna. On te fait des bisous. Gros bisous, bonne journée. À bientôt, bisous. Bonne journée. Oui. 38 par SMS, on nous dit, quand je rangeais pas ma chambre, mon père a une fois pris un sac poubelle et tout ce qui traînait par terre, il l'a jeté. Oh, oh purée. Hashtag enfance gâchée. Oh, c'est dur ça. Ah ouais, non, mal, ça, ça c'est pas cool ça de faire ça. Il y a Didier qui est là ce matin, 0800-23456. Bonjour Didier. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Bien et toi mon Didier? Ah mais moi ça va super bien, surtout de vous entendre. Ah, ah si. C'est gentil ça mon Didier. Bon et c'était quoi la pire punition pour toi? Eh ben, j'ai regardé mes frères et mes sœurs partir en vacances parce que le jour avant, j'avais essayé de faire un cocktail Molotov et mon cousin a été me dénoncer à ma maman et ma maman m'a dit, ben, tu partiras pas en vacances. Je me suis levé à 5h du matin, je les ai regardés partir et j'ai dit à ma mère, mais frappe-moi, qu'est-ce que tu veux, laisse-moi partir en vacances. Donc nous avons un pyromane à l'antenne. C'est, ouais, oui, c'est vrai que c'est pas une très bonne idée de vouloir faire des cocktails Molotov. T'avais quel âge? Non. T'avais quel âge, mon Didier? Oh, j'avais 8 ans. Ah oui, ouais, c'est il y a longtemps. Ah oui, ça fait 40 ans. Ah oui, oula! Une belle âme de vainqueur, hein. À 8 ans, avec des cocktails Molotov. Il préparait des gilets jaunes. Qui est bête. Merci d'être passé, Didier, ce matin. Oui, merci à vous. Bisous à tous. On finit avec... Oui, Didier. Non, d'accord. Benjamin, 0800-23456. Benjamin, t'es là? Salut. Benjamin, le pire, la pire punition que tu as reçue, c'était quoi? Ah ben moi, en fait, c'est copier 10 000 lignes. 10 000 quoi? 10 000 lignes. Ah, oh, pff, lire. De lignes, des lignes, gros copier des lignes. Ah purée. Je ne ferai plus jamais ça, promis. Deuxième ligne. Je ne ferai plus jamais ça. Ah, 10 000, c'est énorme. Mais t'as commencé en quelle année? Ben en fait, j'avais trouvé une astuce assez simple, c'est que j'avais pris un élastique. Ouais. Et j'avais serré trois bics ensemble, donc en fait je faisais trois lignes par trois lignes. Mais bon, ça ne l'avait pas vu. Ah, j'adore l'astuce. Ah, ouais, pas mal aussi. C'est vrai. Ouais, ouais, tu mets deux bics l'un au-dessus de l'autre, et alors quand t'écris double en fait. Eh ben oui, ben, vous n'avez pas l'astuce de la latte. Ah, tu scotches une dizaine, voire même une vingtaine de stylos sur une latte, avec chacun 2-3 cm d'écart, et te voilà parti. Là, tu fais page par page, mon ami. C'est pas mal. Eh oui. Et moi, à chaque fois, la prof me grillait parce que je lui ramenais le lendemain. Elle me disait que c'était pas possible, scientifiquement pas possible. Je dis, mais si, madame, j'ai mis toute la nuit. Oui, ta tête ne dit pas ça. Merci, Benjamin, à bientôt. Merci à vous. Et n'oubliez pas, bisous à ma maîtresse. C'est transmis. On a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames, je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans, tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, Tiago. Mon ami, Tiago. Mon ami, Tiago. Tiago. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis là pour le pire. LP dans un instant sur Énergie après les infos à 7h30 avec Yannick, restez là. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I wear on my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we touch, boy, you make me feel weak. I can tell you're shy and I think it's so sweet. Spending every night undercover said, still I wonder, could you fall for a woman like me? Woman like me, like a woman like me. La la la, woman like me, like a woman like me. Woman like me, yes, a woman like me. As I brush up on them, I could tell he like me. You know all them on them, I try to swipe me. Now that we could afford to ice me. Tell him that's a bad for me, bitch, in all your area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my billion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. I said a woman like me. Young Money. Dans un petit instant sur Énergie, restez là, c'est les 7 questions de la mort qui tue qui vont arriver. LP côté IT, la voici l'actu et la météo. Il fera très nuageux aujourd'hui, beaucoup de pluie également. Il fera par contre plutôt bon pour la saison, 10 degrés par endroit. Par contre, il pourrait y avoir du vent assez fort aujourd'hui. Jeudi 20 décembre, l'actualité avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Hier, le roi a rencontré les présidents du CDH, Benoît Lugène, et de l'Open VLD, Gwendoline Rutten. Le roi a ensuite reçu les présidents de la NVA et du PS, Bardo Wever et Ludy Rupo. Le souverain consulte les représentants politiques dans le cadre de la crise qui secoue le gouvernement. Par contre, le roi a dû interrompre ses consultations afin d'assister au concert de Noël au Palais Royal. Toute la famille du roi Philippe et de la reine Mathilde était présente à l'événement. La Belgique a bien approuvé le pacte migratoire à New York. Le vote a eu lieu lors de l'Assemblée générale de l'ONU. La Belgique était représentée par son ambassadeur aux Nations Unies. Ce vote était la dernière étape d'un long parcours pour le texte. La Belgique a donc confirmé son approbation. La crise et la démission du gouvernement n'aura pas eu d'impact sur la position du pays. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la solidarité humaine. Depuis l'activation du plan hivernal, plusieurs centaines de bénévoles sont continuellement sur le terrain pour aider les plus précarisés et les sans-abri. Le plan hivernal de la Croix-Rouge continue même au-delà des fêtes. Le principe consiste toujours d'aider un maximum de personnes qui vivent dans la pauvreté en Belgique. Facebook a octroyé à des géants de l'Internet un accès plus important aux données personnelles. Des accords spéciaux entre Facebook et ses partenaires exemptaient ces derniers des règles du respect de la vie privée. Amazon, Spotify ou Microsoft ont donc eu accès à des messages privés de certains utilisateurs. C'est le New York Times qui a fait ces révélations. Elles sont basées sur des documents internes et entretiens avec d'anciens employés. Enfin, en football, l'Union Saint-Gilloise a créé l'exploit hier soir. Les unionistes ont réussi à éliminer Genk de la Coupe de Belgique au terme d'une séance de tirs au but. Le score après 90 minutes était de 2 buts partout. Dans les autres matchs de la soirée, Malines a battu Courtrai 3-0 et Ostende s'est imposé 0-1 à Eupen. L'info énergie. Et c'est comme tous les jours à 7h30, l'info énergie. On parle de quoi ce matin, Yannick? Eh bien, il y a un Chinois qui a tout simplement pété un câble. Il a décidé de créer une pluie de billets. Du coup, il a balancé de l'argent depuis son balcon. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien il a balancé par la fenêtre? En euros, évidemment. 6 euros! Wow. Non, je sais pas, des millions, ouais. Non, quelques milliers. En fait, il a fait le bonheur des passants, jetant plus de 20 000 euros du haut de son immeuble. Ouais, cette pluie de billets a logiquement provoqué une émeute au pied de son immeuble. La police a indiqué avoir seulement réussi à récupérer environ 600 euros. Il a été arrêté par la police pour trouble dans un lieu public. Purée, il est libre en soi de faire ça s'il en a envie. Bah, apparemment pas en Chine. C'est vrai. Ah ouais. Pourquoi voilà. J'ai pas des voisins comme ça, moi, sans rire. Ouais, c'est vrai. C'est mais vrai. Ouais, non, moi, il... Monique, jette de la thune, je suis en bas. Ouais, tu parles à me jeter ses poubelles, ouais. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. À la recherche du cadeau idéal, trouvez-le dans un magasin Crefel ou en quelques clics sur crefel.be/kdo. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Un petit café, un jus d'orange pressé. Ah oui. Essaye plutôt le 6-9 sur Énergie. Ça, ça réveille. C'est le 6-9. Si c'est mamie qui le dit, c'est mamie qui le dit. 7h36, bonjour. Bonjour. C'est jeudi, jeudi 20 décembre, l'avant-dernière, puisque demain, ça sera notre dernière avant les vacances. Ouais. Dernière en public en plus. Et on a un objectif clair et précis, les copains. Avant d'être en vacances, nous avons l'ambition forte, certes, mais nous l'avons, d'arriver à 10 000 sur notre compte Instagram. On c'est est vrai. À 9 687. C'est jouable. Mais quand même 320 personnes, c'est pas rien. C'est pas rien. Pas de ça entre nous, hein, les fifous, je compte sur vous. Vous venez maintenant, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. On fait un big up à ceux qui viennent de nous rejoindre, à Alan par exemple qui vient d'arriver, à Oriane, à Julie. À la pire ex, j'adore. Ça, c'est du compte, la pire ex, ça donne envie. C'est les fufous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. Voilà, vous tapez ça sur Instagram et vous nous retrouvez. T'as liké au moins, Tiffany? Bah oui, oui, moi je suis abonnée. Hein. Ah, c'est bien. Comme Poco10 qui vient de nous rejoindre, c'est Pauline en fait. Bijou Pauline. Marine qui vient de nous rejoindre aussi. Il y a Logan aussi. Oh, beau gosse. Et il est beau gosse, Logan. Hein. Ouais, ah, ouais. Il y a Céline aussi, il y a Romain, il y a Léonore, il y a Tamara. Il y a Arnaud, bisous Arnaud, Mariana. Mariana qui a fait une belle photo d'ailleurs, c'était où ça? On dirait que c'est à Paris, Mariana, avec son amoureux. Ils sont mignons. Il y a Cisco et Thomas aussi. Thomas avec sa femme en robe de mariée. Très belle robe de mariée. Trop mignon. On a une teacher, Laura, qui vient de nous rejoindre. Elle est pas mal. En plus, elle fait des photos sur la plage. Laura, bonjour. Bonjour à Mégane, à Émilie, à Raphaël. Enfin voilà, venez nous rejoindre. À Yannick aussi, Jérôme, Anaïs, Alex, Noé, Laureline. Ouais, il y a du monde qui arrive là. Raphaël, Colline. Continuez, on est à 9733. On vous réserve une belle surprise. On tira au sort parmi les 10 000. Mais tu vois ça où? Moi, je vois pas. Moi, c'est bloqué. De quoi? C'est bloqué, chef. On est à 9 744 sur Instagram. Allez, venez. Si on est à 10 000 demain, je vous promets, on a réservé un truc de folie pour vous. Mais vraiment. Plus d'une centaine de personnes gagneront en plus. Oui, on va faire un gros tirage au sort et on va se faire un truc de malade. Voilà. Il y a Zappa aussi. Zappa tapatapa qui m'a dit salut les fifous. Salut à toi. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. On revient juste après LP et c'est les 7 questions de la mort qui tue. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling. Can't you see I'm in recovery? Dans un petit instant sur Énergie, Jason Derulo qui va arriver, 7h41. Oh pardon, il manquait le do bémol de LP. Très important. Dans un petit instant, on va faire un truc extraordinaire. Ça va être les fêtes de Noël, vous le savez. On avait déjà parlé de ça dans les infos café, qu'en Angleterre, la reine d'Angleterre fait peser ses invités avant le repas et après le repas pour voir s'ils ont bien mangé. C'est vrai ? On dit pas c'est vrai, on l'a dit il y a un mois. Oui, c'est vrai. Le mec, tu fais l'émission ou pas? Mais oui, je fais l'émission. Un poisson rouge. Ah, c'est exactement, le mec fait le tour du studio, on est où ici? Mais non, mais si, c'est bête, pardon. Et du coup, restez avec nous dans un petit instant, nous allons faire la pesée de l'équipe du 6-9. Et va falloir deviner quel poids on fait, mais tous ensemble. On va pas nous donner le poids de chacun. Ok. On n'a pas envie de dire que Fanny fait 102 kilos, donc voilà. Merci Marco, ça m'arrange. Nous allons jouer cette question de la mort qui tue ce matin. Qui vient jouer avec nous? Avec Hervé, brobra, dédicace. Il travaille comme gérant d'une équipe manager dans une grande entreprise de cosmétiques, L'Oréal, pour pas les citer. Il a trois filles qui s'appellent Camille, Lucille et Charline. Et puis il est passionné de foot. Il est d'ailleurs supporter du Standard de Liège. Désolé. Et puis son groupe préféré, c'est Metallica. Ah bien. Ouais. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, sois le bienvenu. Nous allons jouer aux 7 questions de la mort qui tue. Les 7 questions de la mort qui tue, c'est très simple. J'ai 7 questions que je vais poser l'une à la suite de l'autre. Et il va falloir me donner les 7 réponses, mais après. Pas question par question. Donc il faut retenir les réponses par cœur. Et après, il faut donner les 7 réponses dans l'ordre. Mon cher Hervé, c'est pas toi qui vas jouer parce que sinon tu pourrais tricher. Eh oui, on me la fait pas, moi. Tu choisis qui pour jouer pour toi ce matin? Il y a Tiffany, il y a Jérém ou il y a Frisco? Je vais prendre Jérém. Jérém. Oh là là, je suis le poisson rouge, t'es sûr, Hervé? Oui, ça va aller, allez. Courage. Ok. C'est ton dernier mot, Hervé. La dernière fois, il a foiré, hein. Ah ouais, tant pis. D'accord, bon, comme tu voudras. Non, mais tant pis, je veux qu'il perde. Voici, et vous aussi, vous pouvez jouer chez vous à la maison avec nous aux 7 questions de la mort qui tue. Je stresse. Complète cette phrase. Une chanson douce que me chanter. Je peux me poser sur tes lèvres et je suis rouge. Je suis. On le retrouve tous les vendredis à 8h35 pour son débrief. Il s'appelle Pierre-Emmanuel, mais on l'appelle... Vrai ou faux, le 13 tombe toujours un vendredi. Montre-moi comment tu ferais pour appeler un lapin mais qui est sourd. Tiffany et Frisco sont sur un bateau. Friscopette, qui reste-t-il? Et enfin, pour aller à Paris, qu'est-ce qu'à ton avis est le plus judicieux? Le théorème de Thalès ou le Thalys? T'as pas osé. Ma maman. Allez, rouge à lèvres. Oh non. P.E. Faux. Allez. Frisco? Non. Attends. Je sais que c'est Frisco et Thalys, mais j'en manque un là avant. Allez. Il m'en manque un. C'est le truc drôle. Mais ouais, truc simple. Là-bas. Frisco et Thalys. C'est ça? C'est une bonne réponse. Eh oui, ma maman. Du rouge à lèvres, PE, faux. Wow. Ou lapin. Ouais, parce qu'il est sourd. En effet, Frisco, parce que s'il pète, bah, Tiffany tombe à l'eau, ça c'est sûr. Quoique Frisco pourrait se jeter aussi lui à l'eau. Hein. Vu l'odeur, mais ça va, il y a beaucoup de courant d'air en pleine mer. Et évidemment, pour aller à Paris, le théorème de Thalès ou le Thalys. Le Thalys, évidemment. Bravo Jérém, vraiment pas mal. Stress, là. Hervé, cadeau pour toi du coup ce matin. Tu choisis quoi? On a 4 places de ciné. On a enceinte Bluetooth ou on a la dernière compil énergie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je vais prendre 4 places de ciné. S'il te plaît. 4 places de ciné. Tu as bien raison. Oui, ouais, parce qu'il y a plus, du beau... Aquaman, en ce moment, il y a du beau film. Vous pouvez gagner d'ailleurs vos places l'après-midi chez Rally de Wendy entre 16h et 20h. Chouette film, Aquaman, on en a parlé hier. Terrible. Aquaman Il fait pas du tout ça. Non, du tout. On te souhaite une belle journée, Hervé. À bientôt. Merci, à vous aussi. Bisous. À bientôt. Bisous, Hervé. Ciao, ciao, Hervé. Voici Jason Derulo sur Energy. On revient dans un petit instant. Nous allons faire la pesée de l'équipe du 6-9. Ah, faites vos pronostics. Combien, nous cinq, tous ensemble, on fait combien de kilos? Dites-nous au 30-18. Ma Pantera, 7h49 sur Énergie. Marshmello avec Happier. On va écouter ça dans un petit instant et vous nous envoyez notre poids, le poids de l'équipe. Attention, les 5 personnes ensemble. Donc Frisco, Jerem, Tiffany. Bon, on va te prendre toi, Yannick, hein, parce qu'Aurélie n'est pas là, donc il faudra revenir en janvier. Yannick de la Redac et moi-même. Voilà. Avec, donc nous cinq, combien on pèse à votre avis? Vous nous envoyez ça au 30-18 par SMS. On va se faire la pesée de l'équipe maintenant. Et on fera la même chose en janvier, quand on revient, à la première émission en janvier. Et comme ça, on verra si on a bien mangé pendant les fêtes ou pas. Ouais. Jérémy. On a reçu pas mal de messages déjà, 352, 284, 358, mais signés avec votre prénom quand vous envoyez par SMS. C'est parce mieux. Parce que sinon, on ne sait pas qui. Voilà. Et honnêtement, celui qui sera le plus proche de la bonne réponse, je suis sérieux, j'offre un beau cadeau ce matin. Ok. Allez, je suis généreux. Est-ce qu'ils répondent que par SMS? SMS 3018, vous pouvez mettre ça, vous pouvez appeler Tiffany 0800 23456. Et les réseaux sociaux, évidemment, venez nous retrouver. C'est les fifous du 6-9 sur Facebook, par exemple. Voilà, vous nous mettez ça et on publiera, on mettra, enfin, ou va mettre un petit post, comme ça sera plus simple. Et vous mettez, voilà, comme Benjamin, voilà, qui va nous envoyer au 30-18, 352 kilos. Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce qu'on est le plus proche ou pas? On verra ça dans un instant. J'ai peur, je crois que ça fait 3 ans que je ne me suis pas pesé. J'ai peur du chiffre qui va être annoncé. Bah moi je viens de me peser, je suis pas bien. Mais c'est pas grave. Oh là là, est-ce que ça va être 2 chiffres ou 3 chiffres? Réponse dans un instant, à tout de suite. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. I'm loving you was sunshine, but then it poured and I lost. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Jumbo, j'ai pris le temps de t'écrire. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit music only. Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit aux meilleures fêtes. Surtout ceux qui rêvent d'avoir un Noël blanc. Un Noël blanc? Il n'y a rien de plus simple. Hein. Un bon cœur de cabillaud, là, bien ferme et bien blanc. Et voilà, le tour est joué. Jusqu'à lundi, notre délicieux cœur de cabillaud label MSC est à moins 30%, soit seulement 16,95€ le kilo. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Tous vos hypermarchés Carrefour et plus de 600 Carrefour Market et Express sont ouverts ce dimanche jusqu'à 19h. Base présente les aventures de Tata Doggy Bagman. Plein de data vont être perdus à la fin du mois. Impossible, je vous emmène tous au mois suivant. Oui, mais il y en a beaucoup, hein. Ah ben, je prendrai la data Doggy Bag mobile. Ah. Ou alors je prends le data Doggy Bag camion. Oh. Non, je sais. Je prends le data Doggy Bag camion et une grosse data Doggy Bag remorque. Oh. Chez Base, pour 20€ par mois, vous avez les appels illimités vers tous les réseaux et 3 gigas. Et comme toujours, j'emmène vos restes de data au mois suivant. Conditions sur base.be. Base. Pierre Détias, bonjour. Oui, bonjour, j'ai eu un accident. Ouh là là. Oui, ne vous inquiétez pas, chez nous, vous ne payez pas de franchise. Oui, je sais, mais en fait, c'est le conducteur d'en face. Il est ouh là là. Ouh là là, il va bien. Oh, il est beau. Ouh là là, j'ai envie de chanter. Une Omnium sans franchise, c'est le coup de cœur assuré. Vous aimez ? Etias aussi. Demandez maintenant une offre et recevez 2 mois gratuits sur notre assurance auto. Infos et conditions sur etias.be. La question du jour, est-il possible d'offrir un PC portable déjà configuré? Bien sûr! Vivez la magie des fêtes avec MediaMarkt! Dans notre Solutions Corner, nous vous aidons à tout installer pour qu'il soit prêt à l'emploi. Comme un PC portable Asus pour seulement 299€, soit 80€ de moins. Conditions en magasin et sur MediaMarkt.be. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Pas d'embûches sur la route, mais plutôt de délicieuses bûches glacées. Et au meilleur prix chez Intermarché. La pesée du 6-9 dans un petit instant. J'ai peur du chiffre annoncé, je te le dis. Toi aussi, t'es pas bien, Yannick. Oui, je suis vraiment pas bien, ouais. Exactement. Marshmello, ça arrive côté dans un petit instant. Et un point sur les routes ce matin. Bien, c'est compliqué sur la E19 de Mons en direction de Paris en cause d'une manifestation. Trafic perturbé également sur le ring extérieur entre la Hulpe et les 4 bras de Tervuren. C'est compliqué de Namur à Bruxelles. On signale un accident. La chaussée est fermée sur la N5 de Philippe Villacouvin. Un autre accident à hauteur de Frane en direction de la France. Le trafic est perturbé entre Thieu et la Louvière, vous perdez une vingtaine de minutes. Et enfin, c'est compliqué entre Houdin et Boisden, vous perdez une quinzaine de minutes. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So bring out our emotions, mix them up in that life potion. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix them scars we share with white light. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. C'est jeudi 20 décembre. Ah oui, dans 4 jours, ça y est, c'est Noël. Oh, ça va être la dinguerie, je vous le dis. Louane, Julien Doré côté dans un instant. Et le duel énergie à 8h05. Et ne bougez pas, on va faire la pesée de l'équipe quand même. On va voir si vous êtes proche du résultat. 30-18 par SMS, envoyez-nous le poids total que vous pensez que toute l'équipe va faire. Donc les 5 personnes de l'équipe. A tout de suite. Monsieur Afflelou, vous m'avez appelé. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Il m'en fout, cet Afflelou. Voir conditions en magasin. Il est 8h sur Énergie, bienvenue tout le monde. C'est jeudi. Jeudi. Je suis pas bien, on va se peser, ça fait longtemps. Ah, je vous jure, j'ai très peur du chiffre. En fait, j'ai peur que ça soit un chiffre à trois chiffres. C'est ça qui m'inquiète. Bah, ça sera un chiffre. D'office, oui. Non, je parle pour moi tout seul. Ah, ah oui. Ah, ah, oui. Moi, je sais que c'est déjà le cas, donc. On fait ça juste après l'actu et un point sur la météo. Il fera très nuageux aujourd'hui avec pas mal de pluie également. Par contre, il fera plutôt bon pour la saison. On annonce 10 degrés par endroit. Et enfin, il pourrait y avoir du vent assez fort aujourd'hui. L'actualité de ce jeudi 20 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Une nouvelle cible potentielle pour traiter la migraine a été découverte. Des chercheurs du CNRS ont identifié une protéine dont le dysfonctionnement provoque des crises migraineuses. Dans un communiqué commun, les chercheurs rappellent que le caractère héréditaire des migraines est déjà connu. Le redémarrage du réacteur Tihange 3 est apparemment crucial pour l'approvisionnement du pays. C'est ce qu'a déclaré le gestionnaire du réseau. L'exploitant Engie Electrabel a fait savoir que les réacteurs de Doel 1 et Doel 2 resteront indisponibles plus longtemps que prévu. Tous les regards sont désormais tournés vers Tihange 3 qui devrait quant à lui reprendre du service plus vite qu'annoncé. En France, le ministère de l'Intérieur a accepté de revaloriser le salaire des policiers. Ils réclamaient plus de moyens après leur mobilisation. Le ministère de l'Intérieur a finalement passé un accord de revalorisation salariale à l'issue de négociations tendues avec les trois principaux syndicats de la profession. Le procureur de Washington a lancé des poursuites judiciaires contre Facebook. En cause, sa gestion des données personnelles dans le cadre du scandale planétaire Cambridge Analytica. Le réseau social est accusé d'avoir laissé les données personnelles de dizaines de millions d'usagers arriver entre les mains de cette firme d'analyse de données, une entreprise qui a travaillé pour Donald Trump lors de sa campagne présidentielle, c'était en 2016. Enfin, en football, l'Union Saint-Gilloise a créé l'exploit hier soir. Les unionistes ont réussi à éliminer Genk de la Coupe de Belgique au terme d'une séance de tirs au but. Le score après 90 minutes était de 2-2 et en demi-finale, l'Union Saint-Gilloise affrontera le club de Malines. Sans curiosité, vous n'auriez jamais trouvé à la Fnac les cadeaux qui font vraiment plaisir. Ça vient de la Fnac ? Oh, merci ! Ben, ouvre-le d'abord. Ah oui, Fnac, libérez votre curiosité. Planète Parfum vous souhaite de très belles fêtes. Planète Parfum, fan de beauté. Sur Énergie, bonjour! Bonjour! Oui, c'est Noël! Oh, the weather outside is frightening. On va chanter demain. Ah, demain, ce sera l'émission en public. L'émission, la petite dernière avant de partir en vacances, avant les fêtes. Et je peux vous dire qu'on va pousser la chansonnette. Hein. Ah oui, Mickey et Flo, nos deux musicos seront là. Ils nous ont prévu un petit medley de Noël. Ça va être très sympa. Demain, soyez là. Ça sera demain, donc dès 6h, avec Alice Underwood en plus, qui sera notre invité. Bon, les copains. Ouais. L'heure est venue de passer aux choses sérieuses quand même très rapidement avant d'écouter Louane, Julien Doré, de se faire le duel énergie et de pas prendre un quart d'heure de retard. La balance est ici, chacun va venir très rapidement se peser. Okay. Je vous prends un papier, un crayon, on note tout, on fait l'addition du total. Go Tiffany. Ouais. Oula. Oula. Oula. Alors évidemment, nous sommes habillés, on va pas se mettre. Mais c'est pas grave. Donc vous pouvez rajouter 5 kilos à votre pronostic. Alors, on dit rien des poils de chacun, je vous le dis tout de suite. On ne balance pas. Sérieux, seulement, tu fais que ça? Eh, mais je pensais que tu faisais plus lourd. 79, c'est pas beaucoup. Hein. 63 points. Mais non, tu dois pas dire. Oui, j'ai mis 64, voilà, comme ça vous savez que Tiffany fait 64. Mais on dira pas les nôtres, ça je te le dis. Frisco. Go jusqu'au bout. T'es prêt? Vas-y, c'est marqué warning error. Oh la vache. Ah, il a un petit sourire en coin là. Il est... Ah, quand même, mon frisco. J'ai maigri depuis 2 minutes quand même. Je tiens à vous le dire. Mais t'as pété peut-être. Alors, Yannick, pèse-toi sur la balance. Alors, je tiens à le dire, frisco, c'est un 3 chiffres. Yannick. Merci. Oh putain, je suis surpris, c'est même pas un 3 chiffres, Yannick. Quand ça bouge. Ah, voilà. Ok, donc 115 pour Yannick. Attends, je déconne. Vas-y, Jérém. et je finirai en beauté. J'ai jamais mis faire de son gilet jusqu'au bout comme si ça allait changer quelque chose. Jérémy, c'est le poids mouche, lui, non? Ah, je suis surpris. Eh, quand même, hein. Ok. Non, non, kilos, vas-y, Jérémy. Vas-y, vas-y. Allez, je plaisante, évidemment. Et on finit avec moi, les gars. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, t'as ton casque. Bah, c'est pas grave. Ah, ok, avec son casque. Attention. Je pense à un 3 chiffres, moi, pour Marco. Non, arrête. Et mettez deux pieds sur la balance. Ouais. Oh, bah, ça va. Et t'as vu? À mon avis, elle déconne la balance. Mais non, elle est magique. Eh, t'es Et ben voilà, les copains, j'ai les poids de tout le monde. Alors. Bon, il y en a qu'un qui a trois chiffres. Ça va, c'est bon. J'ai pas dit qui. Non, mais ça va, c'est bon. On rappelle le principe, c'est qu'il faut deviner le poids total de toute l'équipe. C'est ça. On a donc, attends, trois, on a cinq, j'ai cinq poids. Forcément, celui de Frisco, Jérém, Tiffany, Yannick et le mien. On va additionner ces cinq chiffres-là. Ça va nous donner un poids total de l'équipe. Et vous nous envoyez, vous, vos pronostics au 30-18 par SMS. Et dans un petit instant, on va voir qui était le plus proche. Et franchement, j'offrirai du cadeau. Je vous le dis, je. Voilà. Ok. Et alors on va se peser après les fêtes et on verra combien de kilos on a pris. Bah, ouais. En fait le plus drôle c'est ça, c'est surtout de voir pendant les fêtes tout ce qu'on va manger, combien on a pris. Parce que j'ai noté pour chacun avec le prénom. Hein. Ouais. On verra celui qui a le plus bouffé pendant les fêtes. Julien Doré Louane, on écoute ça et juste après c'est le duel énergie. Un petit peu à la bourre aujourd'hui, c'est pas grave. C'est Noël. Ah ouais. Pas grave. Il est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. La chanson à chaque fois quand même les pommes. Louane, Julien Doré sur Énergie. On va avoir du Shakira qui va arriver dans un tout petit instant. Et là voici notre rendez-vous quotidien à 8h05. Oui, on a pris 5 minutes dans la tronche, mais c'est pas grave. Voici l'heure du duel Énergie. Le duel Énergie. Avec Julia, notre maître du duel qui revient ce matin. Julia, elle est très, très, très, très forte. Vraiment, Julia, elle est très balèze. 2 300 € dans sa cagnotte. Waouh, waouh, waouh. Elle peut, franchement, potentiellement, il lui reste deux jours, aujourd'hui et demain, battre les suprêmes maîtres du duel. Il y a moyen. 2 300 € pour toi, Julia. Bonjour. Hello tout le monde. Hello. Hello à toi toute seule. Julia, ce matin, tu vas jouer face à Benoît. Oui, Benoît qui travaille comme employé administratif dans une entreprise aéronautique, donc qui fabrique des pièces d'avion, hein, voilà. Il adore aller à des concerts et son meilleur concert, c'est celui de Lady Gaga. Il va aussi voir des spectacles de théâtre et puis en ce moment, il regarde la série Sabrina sur Netflix. Il écoute aussi le groupe Shepard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, donc belle découverte, merci Benoît. Donc Julia, fais gaffe à toi parce que bah, lui, il est spécialisé dans l'aéronautique. Boum, il va te prendre une aile dans la tronche et prendre ta place du duel énergie. Du maître du duel. Je n'en peux plus, on sature. On a une standardiste à refourguer, si jamais ça intéresse quelqu'un. Benoît, bonjour. Salut. Salut. Benoît, Julie, Julia, vous allez pardon vous affronter ce matin dans un duel spécial Noël. Nous avons pris des films de Noël. Films ou dessins animés de Noël. Vous allez donc devoir retrouver le titre du film ou du dessin animé, tout simplement. Ok? Pas mal. Ouais. On fait quoi la maline là, Julia? Julia, je me demandais ce que vous alliez nous sortir aujourd'hui, c'est pas mal. On est dans le thème de Noël. On rappelle cette règle fondamentale. Votre buzzer, c'est votre prénom. Voici le premier extrait, bonne chance. Je vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Benoît. Et sa chaleur. Ouh, Benoît, on t'écoute. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je crois que ma petite Julia. On tremble. Il y a du lourd en face de toi. C'est la bonne réponse. Que vois-je? Non. Que vois-je? Le rouge, du bleu, du vert. Que vois-je? Eh ouais, bonne réponse. L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai jamais vu ce film. Il est bien ou pas? Il est bien ou pas, Benoît, le film? Bof. Bah écoute, autant t'as raison, autant être franc. Bof. Oui, mais c'est cette espèce de bonhomme, c'est un squelette, c'est ça, non? Ah oui, ça fait un peu peur, c'est bizarre pour Noël, je trouve. Il y a un peu bizarre ce truc, ouais. On y va, voici le deuxième extrait. Rien n'est encore fait, ni pour toi Benoît, ni pour toi Julia. Deuxième extrait, bonne chance à tous les deux. Bonjour, je m'appelle Cindy Louchou. Tu vois, c'est évident que la... Ah, il est chaud celui-là. Désolé ma Julia. Mais c'est pas grave, dis-nous. Bah, je crois que c'était le Grinch, non? Et malheureusement, oui, c'était la bonne réponse, mais c'est arrivé trop tard. C'était tu le Grinch. Tu as l'audace de t'aventurer dans le repère du Grinch! Oh, la voix de Jim Carrey. C'est Jim Carrey, ouais, qui faisait le Grinch. Hein. Emmanuel Curtil. Bah, dommage, c'était après la cloche, Julia. C'est pas grave. Il nous reste encore trois extraits. Et pour l'instant, c'est Benoît qui est en tête. Voici le troisième extrait. Ouf, celui-là. Ça va aller très vite, je pense. On va y arriver, je vais chercher un escabeau. Mais si, on va y arriver. Julia? Aïe, aïe, aïe, Benoît en premier. On t'écoute, Benoît. Le Père Noël est une ordure. Bah alors, Julia, qu'est-ce qui se passe? Je suis en congé, je me relâche, là. Bonne réponse de Benoît. Porte-toi! Je pense qu'il vaudrait mieux que vous vous cassiez. Bon, alors, Félix, occupez-vous des singes. Moi, je veux le girafe parce que, n'est-ce pas, je suis plus grand. Ce film, il faut que je le revoie. Ah bah oui. Oh, une serpillière. Mais non, c'est un gilet. Julia, Benoît, attention Julia, Benoît a deux points. Il nous reste deux extraits. Ah bah en fait, ouais. Dans tous les cas, je suis caisse, là, je vais pleurer, là, c'est bon. Oh, tu vas pleurer avec 2300 euros. Oui, oui. Ouais, bah oui. Non, ça va, j'aurais des très beaux mouchoirs pour me moucher. Moi, je te cache pas, franchement, je suis un peu déçu. Je voulais vraiment qu'on te garde jusqu'au bout, Julia. Mais voilà, c'est là, c'est les règles du duel. Voici le quatrième extrait. Tu viens? Où ça? Mais enfin au pôle Nord, bien sûr. Benoît. Oh là, Benoît, il est très fort. On remplace du lourd par du lourd. Benoît, bonjour. Bonjour, c'est quoi la réponse? Le pôle express. Mais c'est incroyable, comment tu connais ce film? Même moi je connaissais pas. Bonne réponse, incroyable. Voici le pôle express. Oh, ah mais si, c'est le film avec le train où ils vont. Ouais, c'est ça. Ah oui, Pôle Express. Ils vont au Pôle Nord, oui. Ils vont au Pôle Nord, voir le Papa Noël. Ouais. Et évidemment. Je pense qu'il y a Tom Hanks qui joue dedans. Ouais. Si, c'est ça. Ouais. C'était sa voix. Exactement. Trois bonnes réponses ce matin. Enfin, non, deux. Non, trois. Trois, ouais. Trois. Il est fort. Bon, on sauve l'honneur, Julia. Non. Merci, Julia. Merci, Julia, Eddy. Allez, on y va, le dernier extrait. C'est parti, les fifous. Kevin n'est pas là. Benoît. Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Benoît, il a regardé les films de Noël, hein, ces derniers temps. Il est, au taquet, Benoît. Benoît, c'est le Père Noël, je crois. C'est... Benoît, c'est le Père Noël. Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui, bravo. Regardez ça. En arrière. J'adore. Oh, je vous jure, ça me donne envie de revoir ce film. Il tombe dans la piscine, là. Oui, je pense. Eh bien, c'est assez. c'est assez émouvant. Disait la baleine. Ouais. Je dois le dire que c'est assez émouvant ce matin. Puisque quand même, Julia est avec nous depuis maintenant un bon petit bout de temps quand même, hein, Julia? Oui, je suis en déprime, là. Vous avez gâché mon... Mais regarde, il a mis une chanson triste pour ta déprime. Alors, je vais vous lire le discours que je prépare depuis une semaine. C'est vrai? Tu as un discours? Non. Ah, d'accord. Ah, ouais. Mais je peux quand même passer un petit mot, vous voulez bien? Oh, bah, avec plaisir, Julia, on t'écoute. Super, bah déjà c'est une super expérience, je suis super contente et comme quoi il faut parfois tenter sa chance et envoyer un SMS parce que ça coûte pas grand chose et au final ça peut arriver à tout le monde. Je voulais remercier mon papa qui m'écoute tous les matins et faire un gros bisou à mes collègues qui sont toujours au boulot aujourd'hui, donc courage les gars. Et voilà, simplement c'était un joyeux Noël à tous les gens qui nous écoutent. Bon, merci Julia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais, et merci. J'ai envie de te dire aussi à toi un joyeux Noël, il va être beau puisqu'il y a quand même 2 300 euros dans la cagnotte. Bravo, de Julia, s'il vous plaît. Bravo, Julia. Et désolé, encore un gros bisou à mon amoureux aussi qui se lève tous les matins avec moi, sinon il va me frapper quand il va me voir. Ah oui, mais ça, tu peux porter plainte. Hein, Bravo en tout cas, Julia. 2 300€ pour chez toi, c'est un beau montant que t'offre le Duel Energy. Ah, on est ravis. Super. Vraiment, tu vas en faire quoi de ces 2 300€? Dans la maison. Et dans la maison. Bah oui, maison en travaux, un peu de cadeau de Noël, ça va faire plaisir. On t'embrasse bien fort, Julia, et merci à toi d'être venue dans le duel. C'était un très bon moment avec toi. Merci à tous, grand bisous. À bientôt, salut Julia. Et je tiens aussi à ce qu'on fasse un maximum de bruit ce matin pour notre nouveau maître du duel. Il s'appelle Benoît. Il est à 300, 400 même, que dis-je, 400€ ce matin. Et il a l'air balèze. Hein. Il est pas mal, il est franchement très fort, et il sera là demain. Pour le Duel Energy, demain à 6h, entre 6h et 9h, sera 8h05 le rendez-vous, soyez là. À demain, Benoît. À demain, même à moi, Julia va me manquer. Hein. on est d'accord, elle était trop. Très très bon, Benoît. Trop choupinette. Tu le mérites, là. Oh, c'est gentil comme tout. Et alors, je tiens à vous le dire, les amis, la nouvelle règle du duel de janvier, ce genre de situation comme aujourd'hui. Ça va devenir dingue. Ça va être une dinguerie. On vous expliquera ça demain, puisque si jamais tu gagnes demain, Benoît, t'auras une question très importante qui sera: veux-tu participer au duel 2.0? Ça va être exceptionnel, je vous le dis. La situation qu'on vient de vivre aujourd'hui, Benoît aurait pu aspirer la cagnotte de Julia. Mais t'en dis trop, là. Chut, c'était à demain. T'en dis trop. On dira ça demain, soyez là. Mais c'est en effet une des nouvelles règles du duel. Ça va être une pépite à ce duel, je vous le dis. Oui, j'ai dit pépite, Lisa. Shakira, Maluma sur Energy, 8h18. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares por la toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya creo que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Alright, alright, baby. Shakira. Maluma. Pretty boy. La pesée de l'équipe du 6-9, on vous donne le résultat dans quelques minutes. Il y a Offenbach qui arrive côté hit et les sondages du jeudi aussi. Ça arrive dans un instant. A tout de suite. C'est le 6-9.

Bienvenue sur Énergie, 8h27 dans un petit instant. Léa Passy, notre cousine de l'émission qui va arriver. Avant ça, on va parler du super poids. Le poids de l'équipe. Super poids. La pesée du 6-9. Pourquoi on fait ça? On en avait parlé dans les infos café. La reine d'Angleterre qui pèse ses hôtes avant le repas et après le repas. Tout simplement pour voir en fait s'ils ont bien mangé. Et je trouve ça pas mal. C'est vrai que ça permet de voir ceux qui ont bien mangé et ceux qui ont trop mangé. Moi, je suis content de pas le faire, par contre, tu vois. Oui, bon, on le fait pas en individuel, mais on le fait quand même en groupe. Mais j'ai quand même le poids individuel de chacun, hein, sachez-le. Pas d'entourloupe ici, les amis. On vous a donné un indice tout à l'heure. Tiffany fait 64 kilos. Ouais. Il faut deviner le poids total. Hein. Je vous rappelle le poids total de l'équipe du 6-9. Donc Tiffany, Frisco, Yannick de la Rédac qui nous rajoute un peu de poids dans la balance. Merci, c'est gentil. Jérém et moi-même, évidemment. Le poids total de l'équipe du 6-9 fait combien? Vous nous envoyez ça par SMS au 30-18. On prendra un gagnant à 9h. Je le dis tout de suite. J'offrirai un beau cadeau. Je vais aller voir tout de suite dans le stock cadeau ce qu'on a. Ce sera pas un cadeau 6-9, ce sera un plus beau cadeau. Je vais voir ce qu'il nous reste dans des beaux cadeaux. Au 30-18, mettez votre prénom, comme ça on sait qui répond. Quoi. Alors, je vous donne un deuxième indice. Tiffany, 64 kilos. Et je vous donne le poids de Jérém, 70 kilos. Tout mouillé. Voilà, vous avez le poids de Tiffany, celui de Jérém, il vous manque celui de Frisco, Yannick et le mien, qui sont les trois poids lourds de l'émission. Donc, c'est que du muscle. C'est que du muscle, évidemment. Bah oui, du muscle. Moi, c'est du sport matin, on va à la soir, salle tous les jours. Évidemment. Il travaille un abdominal. Ah, oui, par an, pas plus. Vous envoyez ça au 30-18 par SMS et on fait le poids total en fin d'émission et on offrira un cadeau à celui qui se rapproche le plus. Donc allez-y, envoyez 30-18, c'est un poids à trois chiffres, hein, vous en doutez bien. Léa Passy qui arrive et les infos à 8h30, à tout de suite. You fight like hell, but you're barely alive. Work so hard, just try to survive. Head's underwater and your hands are tied, I know. Dream so big, eyes are wide. That's the kind of life that I can't provide. It breaks my heart how you feel tonight, I know. Lean into me, with you back in your mind. When you're broken inside, ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down on me. Ooh, lay your worry down, lay your worry down, lay your worry down. Take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know. Lay your worry down on me. Des cadeaux pour chacun et tous les budgets, trouvez-les chez Crefel ou sur crefel.be/KDO. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. 8h31 sur Énergie. Léa Passy à suivre côté hit, l'actualité avec Yannick Farkas. Avant ça, la météo pour aujourd'hui. Il fera plutôt nuageux aujourd'hui avec pas mal de pluie également. Par contre, il fera plutôt bon pour la saison. On annonce 10 degrés par endroit. Enfin, il pourrait y avoir du vent assez fort aujourd'hui. L'actualité de ce jeudi 20 décembre avec Yannick Farkas. Bonjour Yannick. Bonjour Marco, bonjour à tous. Hier, le roi a interrompu ses consultations. Il a reçu successivement dans la matinée les présidents du CDH, Benoît Lugen, et de l'Open VLD, Gwendoline Rutten. Et dans l'après-midi, les présidents de la NVA et du PS Bardo Weaver et Liu Desroupaux. Aujourd'hui, ça sera le tour de la présidente de Groun, Maryam Almassi, suivie par les co-présidents d'Ecolo, Zaki Akatabi et Jean-Marc Nollet. Enfin, à 11h30, ça sera le tour du président du SPA, John Crombé. D'autres consultations auront encore lieu dans l'après-midi.

Colruyt suit toutes les promos des autres magasins et adapte ses prix. Colruyt, les meilleurs prix pour chaque produit, à chaque instant. 63,2% des Belges préparent leur repas de Noël en dernière minute. Mais pour votre nouvelle cuisine, n'attendez pas le nouvel an. Profitez des prix festifs last minute chez Ixina. Quels que soient vos souhaits, nous avons la cuisine qui vous plaît. Venez la choisir cette année encore sur ixina.be. Monsieur Afflelou, vous m'avez appelé. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Il m'en fout, cet Afflelou. Voir conditions en magasin. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Le homard et le saumon entier ont toujours priorité. Normal, ils sont en promotion chez Intermarché. Dans un petit instant, vous connaîtrez le poids idéal. Enfin, je sais pas s'il est idéal en fait, mais... Non, le juste poids, mais pas le poids idéal. Voilà, le poids total de l'équipe. Camilla Cabello qui va arriver côté hit et un petit point sur les routes, Yannick. Le trafic est perturbé entre Nîmes-Mézières et Lheureux. C'est compliqué entre Overeil et le carrefour Léonard. Trafic perturbé également sur le ring extérieur entre la Hulpe et Oulart. Et enfin, la route est toujours fermée sur la N5 de Philippeville à Couvain. Tissues, trust issues, glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows in a stranger's bed, little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can listen to tell the truth. Loving you was young and wild. And free, loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation, awkward conversation, running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. I'm loving you was sunshine, but then it poured, and I lost so much more than my senses. Cause loving you had consequences. Dans un petit instant, Loud Luxury qui va arriver sur vous, enfin sur vous, sur Énergie d'abord. Et après sur vous. Et après peut-être sur vous. 8h51, El Bogos de la radio. Tanguy, il est là, il arrive. Bonjour. Buongiorno. Comment est-ce? Ça va bien et toi? En plus, oh, muy bien, il et tout. Il a rien d'un italien. Non, non, rien du tout. On dirait un suédois. On dirait un suédois. Moi, c'est vrai. Vous allez bien? Il est très bien et toi? Je suis très en forme, les amis. Oui, je vois. Mais ça. T'as des petits yeux? Oui. T'as pas beaucoup dormi, toi? Non, mais ça va. Et oh, dites que j'ai une sale tête. Tanguy qui débarque avec vous comme tous les jours à 9h, notre chouchou, pour vous accompagner jusqu'à midi pour la playlist personnalisée, playlist partagée. Exactement. C'est-à-dire que vous pouvez faire la vôtre dès maintenant. C'est sur energie.be et on programme vos titres. Il y aura du beau d'ailleurs qui va arriver. Je dis pas, je suis surpris, c'est pour vous. Ouais. Vous êtes il y a un chouette petit message, mais voilà. Je vais pas spoiler parce que c'est une maman qui a fait une playlist pour sa fille. Oh, trop mignon. Oh. Ça va arriver dans un petit instant. On est vraiment tous gaga. Oui. Oh. Ça sera à partir de 9h. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de Noël et des traditions de Noël. Parce que je sais pas si vous avez une tradition, vous, dans votre famille. Oui. Genre, je sais pas, moi, à minuit, faut faire tel truc. Ouais, vous avez des trucs. Ouais. Et bon, on va en parler, chacun son tour. Et puis, je vais vous donner après des traditions dans le monde. Vous allez voir qu'il y a des pays qui sont un peu chelous à Noël. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Jérém, qu'est-ce que tu fais, toi, à Noël ? Est-ce que t'as un truc particulier ? Mon oncle déteste qu'on fasse ça. C'est le seul qui déteste qu'on le fasse. Mais à minuit, on se dit joyeux Noël et on se fait un bisou. Comme en fait à la bonne année, alors que normalement à Noël, on fait pas ça, quoi. Ouais, c'est bizarre. Mais tu sais quoi ? Je suis pareil que lui. C'est vrai ? Dans ma famille, on se fait tous un bisou, genre trois bisous, genre ouais, c'est génial, c'est joyeux Noël et tout. Et c'est à ce moment-là qu'on s'offre les cadeaux. Mais c'est très bizarre, normalement, c'est vrai, on fait ça à la bonne année, mais pas. Ouais. Écoute, on est bizarre. Tu fais ça aussi ? Non, pas du tout. Moi, en fait, comme on n'est pas super fan de Noël, on va au cinéma avec ma mère. Il y a personne le jour de Noël au cinéma. Mais le cinéma est ouvert ? Ouais. Sérieux, le soir de 24 ? Ouais, ouais. Extraordinaire. Et donc il y a des mecs qui sont dans la cabine et qui appuient sur le bouton. Bah, je sais pas, mais en tout cas, ouais, on va au cinéma avec ma maman. Film, un film pour Noël, toi. Avec ma petite sœur et ma maman. C'est mignon. Bien. Ouais, c'est bizarre, comme quoi on a tous notre truc. Tiffany, c'est quoi ta tradition, toi, à Noël ? Eh bien, nous, on se fait des cadeaux humoristiques. Alors, il y a un vrai cadeau. Ah, ça doit être super drôle, bonne soirée. Non, mais on se fait un vrai cadeau et puis le reste, c'est des cadeaux humoristiques. C'est genre, un paquet de chic qui électrocute. Oh, c'est génial. C'est fantastique. Il est où, Gégé ? Ouais, il est dans la baignoire, il a fait un coma. Il s'est électrocuté avec le paquet de chic. Non, mais quand il touche, tu vois, comme si tu prenais une chic. Enfin, c'est des petits trucs gags quoi, qu'on s'offre. Ah ouais, on doit se marrer chez toi. Ils sont tous les mêmes humour que moi, c'est pour te dire. Ça donne envie de faire Noël chez toi. Assieds-toi sur la chaise. Poussin Peter. Poussin Peter, c'est ton cadeau. Ah l'horreur. Ah l'horreur. Et toi, je te jure, je veux que tu nous racontes quand on revient en janvier quel a été le genre de cadeau qu'il y a eu, quoi. Ah ouais, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je me demande surtout le cadeau humoristique qu'elle va offrir. Mais tu sais que l'année dernière, pour te dire, le cadeau humoristique que j'ai reçu, mais c'est pas toujours des coussins Peter, comme tu dis. Mon frère m'a offert une tasse où il est noté je suis une bombe. Ou pas, en tout petit. Ouais, ouais. Ah, mais y'a lol. J'ai même envie de te dire, le ou pas, il aurait pu le mettre en gros. Alors, tradition de Noël, c'est incroyable. Mais, au Japon, pour Noël, ils vont manger au KFC. Bah non. Je vous promets. Ouais. C'est d'ailleurs même le premier pays au monde où KFC a lancé un menu de Noël. Arrête. Au Japon. C'est énorme. C'est une tradition là-bas. Une bûche au poulet. En Norvège. Alors ça c'est extraordinaire. Les Norvégiens cachent leur balai. Ils le cachent. Voilà, pour pas leur balai. Ouais, pour pas se le faire voler. Pour nettoyer le balai nettoyage. Je sais pas pourquoi c'est ça jamais Noël. Harry Potter arrive, tu vois. Au Pays de Galles, trop bizarre, les habitants se déguisent en cheval mais mort. Ah, pourquoi c'est glorieux. C'est vive Noël là-bas. Hein. aux Philippines, ça doit être très sympa. C'est le festival des lanternes géantes. Ça doit être très joli à voir. Ah, ça doit être beau. Ça doit être très c'est beau. C'est pas les lanternes qui lancent dans le ciel. Si, tu sais, comme si c'est ça les trucs. Ouais. Comme nos réponses. Ouais, c'est un peu comme les papiers origami du japonais là. Tu vois les trucs. Ouais, ouais. Ça doit être très joli à voir ça aux Philippines. En Suède, alors ça c'est magique. C'est un bouc de 13 mètres de haut qui est construit dans le centre-ville. Voilà, un petit peu de temps avant Noël. Mettre un bouc, quoi. Puis tout le monde vient voir le bouc. Et bon, bouc, et bon, mon bouc. Attends, un bouc, l'animal, le bouc. Oui, l'animal. Oui, non, c'est pas une barbe. Hein. Il n'y a pas un mec qui attend là comme ça avec un bouc. À Washington, ça, je ne savais pas, aux États-Unis, une immense menorah est installée durant 8 jours sur la pelouse de la Maison-Blanche. Vous voyez ce que c'est ou pas une menorah ? Non, oui, c'est comme le chandelier. Tout ça, il y a. Ouais, le chandelier avec les 7 les bougies, là. Ouais, tout à fait, ouais, voilà, c'est ça. C'est. Ouais, exactement. Au Venezuela. Ils se rendent à l'église dès le matin et ils y vont en roller. Allez. C'est magnifique. Au Venezuela, ils vont en roller à l'église pour Noël. Pourquoi pas. Et puis on finit avec la Colombie. J'aime beaucoup. Eux aussi, ça doit être très joli. Ils placent tous, le jour de Noël, des petites bougies en fait. Des petites bougies, des lanternes de papier devant la maison en l'honneur de la Vierge Marie. Ah, ça doit être beau, tu vois. Tu te balades en rue, t'as plein de maisons qui doivent être illuminées avec la bougie. Et c'est beau, une bougie. C'est Mais Venezuela, c'est bizarre, ils vont en roller à l'église. Oui, oui. Peut-être qu'ils voulaient aller en ski, mais c'est difficile là-bas. Mais non, mais c'est parce que les routes sont fermées en fait. Tu peux pas rouler en voiture. Donc, c'est ça, ouais. Donc du coup, pour aller plus vite, t'es toujours en retard. Roller, quoi. Et il y en a encore plein. Il y a l'Espagne, l'Estonie, au Mexique. Enfin, il y a des trucs, c'est assez hallucinant. Mais enfin, voilà, chacun a sa tradition. Nous, chez nous, c'est chacun son tour les cadeaux, par exemple. C'est vrai ? Ouais. C'est pas genre cadeau. Hop, deux secondes après, c'est non, fini. C'est, voilà. Allez, Marco, voilà. T'es cadeau. Okay. C'est ça. Oh, c'est super génial, merci. Et puis tu donnes la parole à ta belle-mère. Et c'est ça. Ta belle-mère, ça dure 4h30. Et ça dure 4h30, t'as tout compris. Mais au moins, Noël, c'est sympa, ça, tu vois. C'est vrai, parce que dans ma belle famille, on le fait à l'inverse, on déballe tout d'un coup. Bah, en deux minutes, Noël est fini, quoi. Ouais, c'est chouette. Chacun son truc. You wanna dine in the six, but when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, on my. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, on my. Vous laisser avec Tanguy qui va vous accompagner pour la playlist partagée. C'est tous les jours, hein, 9h, 10h et 20h, 21h avec Flo. Allez faire la vôtre, vraiment, ça vaut le coup et c'est très sympa. Comme ça, vous pouvez faire des dédicaces à vos potes aussi, ben ou ouais, à la famille. Énergie.be pour aller faire votre playlist. Bon, les copains, avant de se quitter, on s'est tous pesés ce matin. Je vous rappelle pourquoi. On s'est pesé avant les fêtes et on va se repeser après les fêtes pour voir en fait combien on a pris de kilos pendant les fêtes. Sauf que pour éviter de nous mettre dans des situations embarrassantes, on a fait un poids de toute l'équipe. Ça nous arrange. Voilà. Ça en arrange certains dans l'équipe qui préfèrent pas communiquer sur leur poids, et ce que je peux comprendre, moi le premier d'ailleurs. La donc preuve, voilà. Marco et Frisco, parce que les deux autres, on leur a dit. On rappelle qu'on cherche donc le poids total de l'équipe du 6-9, celui ou celle qui va se rapprocher le plus. On va tirer au sort maintenant et nous allons appeler en direct avec du beau cadeau à la clé. Et donc on se repèsera au mois de janvier, on verra combien on a pris. Je rappelle les indices, il y avait Tiffany 64 kilos et Jérém 70 kilos. On va voir qui s'approche le plus de la bonne réponse. On appelle, c'est parti, vas-y ma Tiffany. Compose le numéro. On appelle le ou la gagnante ce matin avec du beau cadeau à la clé. Il y a eu plusieurs bonnes réponses, on a dû tirer au ouais, sort. Ouais, ouais, ouais, il y a eu du monde. Et j'étais même assez étonné. Beaucoup de monde. Et il y en a qui ont été très généreux sur le point. On est monté jusqu'à 600 quand même. Les gars, vous avez été sympas, mais quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom ? Jean-François. Jean-François, en plein déménagement. Jean-François, tu nous viens d'où ? De Fran. Fran. Eh bien, seul bienvenue ce matin dans le 6-9 sur Énergie, Jean-François. Quel était le poids que tu as envoyé ? 431 kilos. 431 kilos. Ce n'est pas un peu plus, ce n'est pas un peu moins, c'est le juste poids, bravo! Bravo Jean-François, c'est le poids exact de l'équipe du 6-9 avant les fêtes. 431 kilos. Ah, 430. Ce qui est déjà, on va pas se mentir, un bon poids. C'est pas mal. C'est déjà un beau poids quand même. Pour 5 personnes, ça veut dire qu'il y en a qui sont lourds. Quoi. C'est bon, on parle pas de ça. J'avais compté une bonne moyenne de 80 kilos par personne. Ah, bien vu. Pas mal. Ouais. Bon calcul. Ouais, bah ouais, 8 x 5. Panitier à 80. Eh bien, bravo Jean-François, du cadeau pour toi ce matin. Je te laisse choisir. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? J'ai dit que je proposerais en fonction de la situation. Est-ce que tu préfères 2 entrées pour aller au Terme ou alors 4 entrées pour aller à Plopsaland? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Jean-François? 2 entrées pour aller au Terme. Eh bien, Jean-François, 2 entrées pour aller en Terme. C'est pour toi. Bravo, Jean-François. Merci beaucoup. Qui a trouvé ce matin donc le juste poids de l'équipe du 6-9? 431 kilos. Oui, on est un peu lourd. On verra si on est plus lourd et on verra surtout de combien. Oui, de tu vois, ça. Est-ce que ça va être genre 441? Alors, je serais pas bien. Si on a pris 10 kilos à 5 pendant les fêtes, c'est 2 kilos chacun. Par personne. C'est ça possible. Va encore, en fait. C'est possible. Et moi, j'ai des raclettes, j'ai une dinde fourrée, j'ai plein de trucs comme ça prévus avec les entrées, les desserts, les. Ça va être traître. Les bières, les... Enfin... Ah non. Marché Noël, c'est fini. Bon, en tout cas, voilà, soyez prudents pendant les fêtes, évidemment, les fufous. Buvez pas trop, soyez modérés. En tout cas, bravo Jean-François, cadeau pour toi. On te fait des bisous, Jean-François, bonne journée. Bisous à tout le monde, bonne journée. Bisous. Salut Jean-François, et on fera le même jeu à la rentrée. Ouais. Et là, bon, faudra vous rajouter quelques kilos quand même, hein, parce qu'on aura pris du poids d'ici. Ça sera la virgule près, du coup. C'est trop simple. Sinon, on est d'accord. À la virgule près. Au gramme près, s'il vous plaît. On revient demain dès 6h, évidemment. Elle sera notre invitée pour notre plus grand plaisir pour cette émission en public. C'est Alice on the Roof qui sera avec nous. Va nous faire d'ailleurs un petit live. Elle va chanter en live demain dans le 6-9. Ouais, trop bien. Entre 6h et 9h, émission en public. Il y a plus de 80 personnes qui sont prévues. Ça va être une folie totale. On a dû refuser. Ah, je vous le dis. Alors, on a dû refuser. On se croit en boîte de nuit. Non, toi, tu rentres pas. T'as les baskets, c'est où tu rentres. Non, vraiment, c'est magique. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux et nombreux chaque matin. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. Merci les fifous. Merci de passer le mot aux collègues, aux amis, à la famille. Dites-leur de venir le matin, de venir nous rejoindre ici. Et oui, de plus en plus, on sera nombreux. Et plus on sera nombreux, plus ça fera du monde. Il n'y a qu'ensemble qu'on va faire plusieurs. Ouais. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Une excellente journée les fifous, soyez là demain dès 6h pour la dernière émission de l'année. Eh oui, dernière émission de 2018. Ouais. La dernière du vendredi avec le public, ça va être génialissime. On a plein de surprises pour vous, on va chanter, on va offrir du beau cadeau. Soyez là demain dès 6h. Bisous Tiffany. Bisous tout le monde. Bisous mon Jérém. Bisous bisous, on est à 9895 sur Instagram, on approche des 10 000 de la grosse surprise. Eh ben je vous le dis, demain on règle ça. Demain on est à 10 000 et on vous expliquera la surprise. À demain mon Frisco. À demain mon poulet. À demain. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Chez Cora, votre dinde de Noël à partir de 3,78€ le kilo. Un prix complètement dinde. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Énergie. Je vous préviens les amis, je suis très en forme, soyez les bienvenus sur Énergie. Il est passé 9h et voici la playlist partagée. Playlist partagée, 5 titres que vous choisissez, moi je les partage. Et ce matin, c'est Karine de Tubize qui a fait sa playlist. Alors, elle a laissé aussi un message qui est juste trop mignon. Pour ma fille Aurore, en route pour son examen de maths. Courage, ma chérie. Alors, Aurore, ta maman Karine qui a choisi des très bons hits. Elle a choisi Ellie Goulding. On aura deux week-ends Daft Punk ou encore Jennifer. Voilà, j'espère que tu vas réussir ton examen de maths. Je croise tout ce que je peux croiser. Vous pouvez aussi faire une dédicace pour un examen, pourquoi pas, ou pour un anniversaire. Faire votre playlist, vous foncez maintenant sur énergie.be. Karine, Aurore, c'est parti, on commence maintenant. Voici l'excellent Ellie Goulding tout de suite. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do, love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Yeah. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Vos hits préférés, c'est vous qui